Ladies and gentlemen, welcome to Board Mania! Et bienvenue pour ce 33e numéro de Wrestles Radio. Et on va parler de WrestleMania avec ma belle petite bande de chroniqueurs. Salut Tifo. Salut tout le monde. Ah, je suis super content de vous retrouver ce soir. Ah, tu vas troller, tu vas être Ah, il y a de avec fortes cette carte. Chances, ouais. Je suis sur une bonne série là pour troller, donc je pense qu'on va peut-être continuer. Oui, on est tous contents de troller. C'est notre passe-temps Exactement. favori, surtout moi, depuis le début de l'année, je fais que ça. Sébastien, salut. Bonsoir à tous et bravo Renaud pour sa superbe improvisation. Oui, c'est Renaud qui nous a fait une imitation de Ward Finkel avant les Bye Bye Blondie, c'était génial. Merci Renaud, salut tiens d'ailleurs. Salut tout le monde, salut à tous. Et Brousty est également ici. Oui, salut tout le monde, pour vous apprendre des choses sans doute à la fin du podcast avec Renaud, je pense. Oui, avec le retour sur la classe Hall of Fame de 2013, effectivement. Mais avant cela, on va vous parler quand même donc, de ce Road to WrestleMania. On va faire un petit peu le bilan de tout ce qui s'est passé. Et on va faire une petite analyse et le pronostic de la carte de WrestleMania 29 qui aura lieu maintenant, si je regarde bien, une semaine. Une semaine et demie. Bah oui, avril, hein. Dans 9 jours. Quoi. Ouais, dans 9 jours, on va dire, ouais. Allez, bon, écoutez, Verpa nous rejoint. Ah ben, Verpa est là. Salut, Verpa. Salut, salut. Verpa arrive toujours en retard. Hein. c'est une habitude chez lui. Allez, c'est parti. On va se retrouver après un petit jingle. Et on va vous parler donc de l'analyse de ce Road to WrestleMania 2013. Et c'est parti. Another lot that I carry on. I need to get back to the place I belong. Come on. I'm coming home. Tell the world that I'm coming home. Yeah. Let the rain wash away all the pain of yesterday. Ain't no I know pain. My kingdom awaits, and they're forgiven my mistakes. Thank I'm you. Coming home. I'm coming I'm home. Coming home. I'm coming Tell home. The world that yeah. I'm coming Hey yo, check this home. Out. Et le retour de WrestleMania de cette année, messieurs. Un retour de WrestleMania très très très très très très très très très très très très mauvais. Très mauvais. Tifo. Ah bah après, c'est ton avis. Hein. D'autres diront aussi qu'il n'est pas si mauvais que ça. Ah si, attends. Ah mais après, oui, c'est ton avis personnel. Mais après, je te rejoins. Enfin, je te rejoins quand même. Je te rejoins quand même, on va dire ça, parce que... Voilà, on se fait chier, ça tourne en rond, c'est il y a pas de construction, enfin c'est du mauvais. Enfin quand je vois un champion de la WWE qui se permet de manquer deux shows alors que c'est censé être le main event de WrestleMania et qu'il y a aucune construction autour de ce match, ben moi je dis what the fuck. C'est oui, pardon, pourquoi? Enfin je trouve ça assez scandaleux quand même. Ouais. Parce que voilà, The Rock, on le voit pas. On le voit pas à Raw, mais on le voit faire de la pub pour Téléfoot sur TF1. On le voit faire de la pub aussi pour Catch Attack. Pour Catch Attack et pour le match France-Espagne aussi, donc c'est super. Vrai. Non, mais il n'y a aucun build-up. Attends, pendant deux semaines à Raw, on se tape une vidéo promo pour la feud. C'est quand même WrestleMania. Ça sera la vidéo qui sera WrestleMania. Hein. Ouais, bah, la vidéo est super bien faite là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais voilà, enfin c'est pas digne de WrestleMania, ça c'est quand même censé être le plus gros show de l'année et là on se tape un champion de la WWE qui doit représenter la compagnie mais qui est pas là pour construire toute une rivalité. Donc moi je trouve pas ça normal et c'est assez déplorable quand même. C'est sûr. Verpa. Ouais, c'est sûr que pour l'instant le build-up est pas génial, mais le problème aussi c'est qu'au niveau des deux matchs de championnat entre The Rock qui est absent et Alberto Del Rio qui est quand même en retrait à SmackDown qui est dans une très mauvaise passe. Donc les deux ne sont pas là pour porter la compagnie. Et en fait, quand on voit que Swagger revient de nulle part, mais qu'en face on met John Cena qui, je pense, est sur le chemin de la rédemption, puisque je pense, et ça sera donné dans mes pronostics, que John Cena va l'emporter pour reprendre une très belle année 2013 qui a commencé avec le Royal Rumble, et donc que ça soit la fin de son année, d'aller, on va dire, de ses 15 mois de galère depuis un an et demi. Donc dans le build-up, à part pour l'instant, même s'il n'y a pas eu de vidéo de présentation d'anthologie, je pense que même si les feuds sont assez bancales, les affiches en elles-mêmes sont assez bonnes, en fait. Parce que je pense Franchement, qu'on a la des carte. attentes assez élevées envers les affiches qui sont assez intéressantes, évidemment, à part un match. Mais sinon, c'est sûr que les noms sont attirants, Ah mais oui. la manière dans laquelle c'est mené, beaucoup moins. Ah, c'est vrai que. Alors attends, juste comme ça. Fandango, c'est attirant. Biggie Langston, c'est attirant pour toi? Tous ces noms-là, ça te donne envie de payer un show 55 $ par exemple? Déjà, tu l'as gratuit avec AB1. Non, alors je paye 4,50 €. C'est pas cher, 55 €. Plaît, hein? 55 $, c'est 50 €. Bon, c'est pas particulièrement cher. Hein. Enfin, Non, pour mais ce 55 $, ça commence à faire cher. que. Ouais, Oui, mais d'accord, bon, il y a c'est beaucoup pour de ça. demandes qui viennent du monde entier, donc. Pour voir Fandango contre Chris Jericho, 55 $, voilà quoi. Ouais, mais Fandango, Jericho, ça va être vite réglé hein, en 10 minutes. Je pense qu'ils vont donner un autre rôle à Jericho parce que, de toute façon, tu peux pas. Soit tu laisses Jericho, bon vraiment, voilà, il fait un WrestleMania vraiment très limité, Ouais, non, mais ou ça va être alors, le premier match. En plus, on l'a jamais vu catcher. Hein. À part si. Anthony Curtis, mais les débuts de Fandango officiels, ça sera WrestleMania. Fandango, c'est le catcheur lambda par excellence de A à Z, donc sur le ring, il est tout à fait correct, sans être bon, sans être mauvais. Après, il a un personnage assez étrange, on peut dire bizarre, mais vraiment. C'est une affiche qui attire peut-être pas tellement, mais bon, de toute Biggie façon, il en faut Langston, bien. Hein. t'attire pour WrestleMania? Ah, il faut bien. Ah Biggie franchement, Langston. arrête quoi. Non, pas Biggie Langston quoi. Le type, il a le charisme d'une huître. À chaque fois que quand on le voit, on dirait Ezekiel Jackson. Et qui est Mais NXT et au-dessus de lui pour l'instant? La WWE cherche pas à attirer par rapport à ces mecs-là, mais Gustav. non, Arrête de non te mais c'est focaliser sur ces gars-là. C'est putain c'est le pack du WrestleMania. panier, ça. Non mais putain de merde, c'est WrestleMania quoi. Mais c'est Ouais, en déjà combien de attendant. fois WrestleMania? Bulbulkanan, il était à WrestleMania 16, et alors on n'a pas, il n'y a pas eu tout un débat là-dessus. Ne te focalise pas sur ces matchs-là, franchement, tu vas te prendre la tête pour rien. Non, Tu regardes, tu c'est vas te prendre le la tête pour contraire. rien, sérieusement. J'ai envie de me prendre la tête. C'est pas Ah, ces bon, mecs-là. alors là, c'est différent, d'accord. C'est pas ces mecs-là que j'ai envie de voir à WrestleMania. Et Ziggler, je veux pas le voir dans un match pour le titre des équipes. Ça m'intéresse pas. Et C'est regarde comme la ça, quoi. magnifique reconstruction de Jack Swagger qui ressort de nulle part et Ça, qui c'est est très, génial. très bien construit. Ça, c'est génial. Là-dessus, je dis rien. Là-dessus, je dis rien. Putain, quand je vois comment sont traités Jericho, Ziggler, Cesaro, Barrett, ces types-là, comment je les vois, comment ils sont traités par la WWE en ce moment, putain, j'ai envie de chialer. Hein. Oh, Ils sont aussi Barrett, il a traités pas comme ça? Spawn quand même. Attends, Non, il se mais ils tape sont le juste. Miz, je sais Barrett, pas. attends, la semaine dernière, il était squashé par le Miz, hein, je te rappelle. Oui, enfin voilà, le Miz, c'est pas non plus un catcheur Non, mais low-card, hein, attends, c'est. ils ont le même niveau, le match se termine en 3 minutes. Non, arrête, quoi. Non, mais ces Mais mecs-là, ils sont pas non plus quand hauts dans la carte parce qu'il y a les retours des anciens à WrestleMania qui bougent totalement les jeunes, hein. C'est Ça, c'est. exactement ça. Ziggler, il est bouché parce qu'il y a Lesnar qui est là, ou Barrett, il est bouché parce qu'il y a Triple H qui est là, Taker est de retour, Le Rock est là, les mecs, ils prennent de la place en main event parce que le show, il faut le faire vendre, voilà. Mais il y a un gros souci à la WWE, c'est que les jeunes, ils font pas assez vendre. Ils travaillent pas assez sur les personnages de ces gars-là. Ces mecs-là font pas assez vendre pour WrestleMania. Alors à chaque fois, ils vont chercher des anciens. Et ça va pas. Ils sont pas éternels, ces mecs-là. Cet après-midi, j'écoutais un podcast avec Christophe Aju et Sylvain Garnec. Il a ressorti quelque chose d'intéressant, c'est quand les vieux sont là, la WWE n'arrive pas à vendre, à pas faire vendre, non, à laisser ses jeunes en haut. Ouais, ben voilà, ben regarde, t'as la preuve là, t'as Oh. encore la preuve pour Ah, mais non, WrestleMania. c'est normal. C'est normal qu'ils n'arrivent pas à les faire rester en haut s'ils font revenir toutes ces légendes à chaque fois. Mais ça, c'est un choix à faire, ils font clairement un choix économique, moi aussi, hein. Bien Choix du sûr que je te rejoins pour Ziggler, Hein, je te choix rejoins du bise. complètement pour Ben, Ziggler. ça, c'est clair. Mais Ziggler, faut pas s'inquiéter pour lui, les gars, Mais il a moi, une Ziggler, mallette t'inquiète entre les pas. mains. Oui, non, mais je m'inquiète pas pour lui, mais c'est le match qu'on lui donne. Moi, personnellement, pour WrestleMania, au lieu de vous. Perso, hein, au lieu de voir les Funkadactyls contre les Sons of Funk, c'est comme ça qu'il va falloir les appeler, Team Hot Scholar et Bella Twins, j'aurais préféré largement voir Daniel Bryan contre Kane. Oui, vous avez commencé un build-up qui devenait intéressant, quoi. Ouais, mais c'est surtout, ils savent pas qui mettre au champion par équipe à côté, c'est surtout ça. Il y a aucune, à part les Road Scholar, il y a aucune équipe crédible, et j'ai l'impression qu'ils savent pas quoi faire non plus des Road Scholar. Ils s'en foutent de ces titres. Ah, ils s'en foutent, mais... c'est sûr, mais ils savent pas qui mettre non plus à la place de Daniel Bryan et Kane, parce qu'ils savent très bien qu'ils font un super boulot, un boulot monstre, et que à côté, pour être plus crédible qu'eux, bah, il y a pas grand monde, quoi. Bah c'est sûr, hein. Mais c'est comme quand Jericho, Chomis avait perdu les titres par équipe, la Hard Amnesty, c'était pas crédible derrière. Hein. Mais pour moi, Team Elno devait perdre les ceintures au Rumble, pour moi, clairement. Oui, ça c'est clair. Même à TLC. Non, à TLC, non, ils avaient TLC, c'était un 3 contre 3, les gars. Ils risquaient pas de les perdre dans les ceintures. Puisqu'ils étaient avec Ryback, donc... Oui, mais c'était un peu, c'était à l'arrache puisque normalement il devait y avoir un CM Punk contre. Ah oui, oui, après si oui, si on prend les plans originaux, oui, exactement. Oui, voilà. Donc c'est quand même dans des plans faits à l'arrache. Oui, ça s'est fait à la dernière, au dernier moment pour TLC. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est sûr. On n'a pas entendu Bruce Lee encore. Bah ouais, non, mais la globalité, bah elle est pas terrible, non, effectivement. Il y a beaucoup de trucs à l'arrache, il y a beaucoup de retours en arrière. Bah, comme vous l'avez dit, à un moment, bah. Lors de SmackDown, il y a quand même Kane qui met un bourre-pif à Daniel Bryan et puis lundi d'après, ça y est, au cohésion, bah, c'est comme si c'était quand même ignoré, par exemple. Et puis, bah, il y a beaucoup de retours en arrière, ça se contredit, ça s'est beaucoup contredit, je trouve. Beaucoup de plans ont changé, rechangé, encore changé. Est-il faux pour être malheureux, par exemple, de ne pas voir un Layla contre Kathleen qui au moment était dans les plans, et puis après il y a eu une histoire de match par équipe, et là c'est AJ contre Kathleen qui va arriver. Enfin, voilà, bon, c'est pas désagréable après tout, mais voilà. Bon, mais la plupart des matchs, ils ont tous eu des plans modifiés, à part les matchs principaux, mais sinon, tous ont été modifiés, et pas vraiment positivement, quoi, parce que ça n'a pas été bien bien organisé à l'arrivée. Ça a été mal organisé, ça c'est clair. Non, mais là, par exemple, je regarde la carte, mais t'as au moins 5 matchs, voire 6 matchs sur 10 qui sont des matchs bouche-trou. C'est un truc de fou. Bah quand oui, tu vois un Ryback vs Mark Henry qui sort un peu de nulle part après 3-4 semaines de. C'est attirant, un Ryback. Non, mais moi, je veux défendre la WWE sur Twitter, les gars, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. À WrestleMania, il y a toujours eu des matchs bouche-trou, hein, franchement, les gars. Mais là, je trouve que c'est plus qu'avant. Là, quand même, même Chris Jericho, Fandango, enfin voilà, ça sort de nulle part. T'as le match mixte. Qu'est-ce que tu viens nous foutre ça? Non, mais là, je suis d'accord. La dernière, quand il y avait eu Kane, Randy Orton, on s'en foutait complètement. Ouais, Batista Umaga, WrestleMania 24, on s'en foutait complètement. Ouais, il était pas mal, Batista Umaga. Non, mais je parle pas en termes de match, je parle pas en termes d'affiche non plus. Je parle dans l'enjeu. Et là, je rejoins Tifo sur ça. Ça se fait au dernier moment. Mais c'est juste ce que je veux dire, c'est que. Ça, même si ça sort nulle part, ça a toujours existé à WrestleMania et j'ai l'impression que la WWE, elle vous met tout son roster, c'est ça le problème. Il y a trop de matchs, il y aura des matchs qui vont. Bon, déjà, il va y avoir un match qui va être en pré-show, les gars, je pense que ça sera le 4 contre 4 mixte, je pense. Ah non, lui, il va être dans le show. Non, c'est ça le problème parce que tant qu'il a été annoncé dans le show, bah ouais, il y sera. Ouais. Bon, bah alors, il nous avait bien annoncé Carlito Primo pour les titres par équipe aussi à un moment dans le show, il était en pré-show. C'est plus Daniel Bryan à WrestleMania 27, il avait été annoncé, il a été en pré-show. Oui, mais c'est juste Daniel Bryan. Ah là, on va y revenir. Il y a une heure de pré-show, donc on va y revenir. Donc ouais. De toute façon, à mon avis, le pré-show n'aura César. Ouais. Oui, il y a largement de quoi. Non, mais César, par exemple, ça peut être le vainqueur de la Battle Royale avec 40 gars, là, tous ceux qui servent à rien, là, les Kurt Hawkins. Parce que Kurt Hawkins est toujours là. Oui, Kingston, c'est vrai qu'il a. Ouais, c'est j'y pensais aussi. Toujours ça pas fait Santino. Mais Santino est blessé, je crois. Non, il est revenu. Il est revenu. Oui, il revient, tout dernièrement, ouais. Il est revenu. Si, bah, il a affronté Cesaro dans un autre show, par exemple, la semaine dernière. Ah, oui. Il faut pas oublier quand même que cette année, WrestleMania, c'est 5 heures. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup de matchs, entre guillemets, bouche-trou sur la carte, plus qu'habituellement. Est-ce qu'il va y avoir un petit concert aussi? Parce que oui, c'est quand même oui, ça annonce un concert de Dignity. Il y a un nom qui vient d'être annoncé, là, je sais plus qui c'est. Jay-Z. Non, il y a un nom qui. Semaine déjà. Il y a un nom qui a été annoncé, attendez, je vais vous le retrouver, mais il y a un nom qui a été annoncé aujourd'hui même. Après, est-ce qu'il ne va pas y avoir d'interprétation de thème? Parce que l'année dernière, par exemple, pour les entrées de John Cena et The Rock, il y avait à chaque fois un groupe qui le faisait. Donc... Alors les gars, j'ai trouvé, désolé Brusty. Alors, WWE News, Sean Diddy Combs to perform at WrestleMania. Ah, bah ça, c'est pour la musique, évidemment, que, bah, que vous avez écouté tout à l'heure, qui est I'm Coming Home, quoi. Voilà. Ah, ah c'est oui, dit oui. Dirty Money, là. Oui, c'est ça, oui. Ah, c'est lui. Ah, bah d'accord. Il change de nom tous les trois mois, j'ai l'impression. Ouais, c'est pour ça. Gigi à l'époque, enfin, c'est à chaque fois un nouveau nom. D'accord, bon bah, voilà, vous savez qu'il va performer à WrestleMania. Voilà. Bon, écoutez, messieurs, globalement, ce Road to WrestleMania, pour chacun, bah, vite fait, chacun donner son avis. Bon, Tifo, tu l'as déjà donné. Verpa. Oh, bah après, désolé, Gus, mais on a juste pas parlé du. Enfin, aussi de la construction du Brock Lesnar Triple H. On va faire match après match. Ouais, on va faire match après match après Tifo. Ah oui, merde, je suis con, désolé. Voilà, Verpa, donc, pour globalement, ce Road to WrestleMania depuis le Royal Rumble. Bah, le problème déjà c'est qu'on fonctionne qu'à un seul show et demi en fait, il y a que Raw qui fonctionne avec Main Event, donc SmackDown est inexistant, bon après les autres shows on n'en demande pas grand chose, mais l'absence de SmackDown est quand même extrêmement préjudiciable pour les bonnes constructions, puisqu'en fait on a seulement un remix bis de Raw en moins bien et en moins attirant, donc en fait même si Raw n'est pas forcément à son top, d'habitude il était relayé par SmackDown, et donc là c'est vraiment gênant, parce que d'habitude ce qu'on a souvent dans les périodes WrestleMania sur les 3-4 dernières années, c'est que SmackDown est très fort et Raw revient un petit peu après une période difficile, et là en fait c'est une période difficile pour Raw, mais c'est une période extrêmement difficile pour SmackDown, donc là le problème c'est que même si en plus on accumule ça avec le Lesnar qui arrive une fois tous les 15 jours, Rock qui est présent une fois tous les 15 jours aussi, parce que ah, un coup c'est une histoire de contrat, voilà. C'est des histoires de contrat et de mise en avant de certaines stars qui ne sont pas forcément ne permettent pas de former les meilleures histoires possibles. Donc après, on a aussi des stars en bout de course, hein, genre Ziggler, au mois de décembre, on le voyait 1h15 par show, maintenant on le voit 12 minutes. Donc c'est bien sûr, évidemment, ça perd en crédibilité, et donc la construction est moins bonne. Sébastien, vite fait, un petit peu moins vite que Verpa. Non, moi je veux dire que globalement, depuis le Rumble, ce qui me gêne, c'est que c'est assez prévisible quand même la route vers WrestleMania, à part le cas de Jack Swagger qui était pour moi une vraie surprise. Le reste, et surtout les main events, c'est vrai que c'était très linéaire et on n'a pas été véritablement surpris comme on voudrait l'être pour le show de l'année. Renaud et Bruce. Oui, je rejoins Sébastien et Verpa, donc je vais faire très vite, c'est exactement comme eux ce que je pense. Je rejoins Sébastien pour Swagger, pareil que lui, et Verpa pour ce qu'il dit pour les big main eventers, le Rock, Lesnar. Donc vraiment, je ne vais pas prendre trop la parole, donc pareil que. Ouais. Et donc Brusty. Bah, si j'avais une note à donner, ce serait simplement 2 sur 10, quoi, parce que c'était gentil. Il y a eu de gros éclairs, mais enfin, il y a eu quelques éclairs plutôt, mais c'est plus quelques petits matchs par-ci par-là, mais aucun segment marquant. Non. Voilà. Non, t'as raison, aucun segment marquant vraiment. Non, c'était clair qu'on s'est bien emmerdé, quoi, pendant ce Road to WrestleMania. Bon, écoutez, messieurs, on va lancer un petit jingle et on va partir sur l'analyse et les pronostics de la carte de WrestleMania. Ça va être la partie troll. Sur quelques matchs, je vous le préviens. C'est toi qui troll. Nous ne trollons pas. Attends, je veux pas être le seul à troller. Ah, non, je te le dis de suite. Non, on y reviendra. Allez, c'est parti. Jingle de Mister Boosty. Et on se retrouve juste après pour donc nos pronostics de WrestleMania. C'est parti. Allez, c'est parti, messieurs, pour l'analyse donc de la carte de WrestleMania 29. Et on va de suite débuter par le match le moins intéressant qui est pour le moment proposé, c'est-à-dire le 8-person mixed tag team match entre les Funkadactyls et les Sons of Funk, donc qui sont Tensai et Brodus Clay, qui affronteront donc la Team Road Scholars et les Bella Twins. Alors c'est le dernier match qui a été annoncé par la WWE, c'était pas plus tard qu'hier ou aujourd'hui je crois, je ne sais même plus quand est-ce que ça a été annoncé, c'était hier ou aujourd'hui ça c'est sûr. Mais messieurs, je vais donner la parole à Sébastien. Oh, ça va être un match où l'entrée va durer plus longtemps que le combat en lui-même. Hein. Il n'y a pas véritablement d'intérêt à suivre cette rivalité. Enfin, dans tous les shows, tu as toujours le match qui est là pour servir de buffet en quelque sorte. Quand tu es là, tu regardes et tu repars. Et ce sera le cas de ce match. Pas d'intérêt particulier, mais ça peut être sympathique, on va dire. Renaud. Ouais, je suis assez déçu, surtout pour les Road Scholars, parce que bon, je trouve qu'ils avaient été quand même pas mal utilisés sur la fin de 2012 en pay-per-view et tout. Ils avaient des bons matchs, des bons petits combats. Et là, de les voir dans ce match-là, bon, ça me déçoit vraiment. Donc moi, j'attends rien de ce match, vraiment rien. Extrêmement déçu sur ce combat-là. Ouais. Verpa. J'en attends quelque chose, parce que c'est pas forcément un match qui est trop mauvais. Et puis on retrouve quand même Tensai à WrestleMania, ce qui n'était pas gagné il y a forcément 2 mois. Par contre, bon, Cody Rhodes et Sandow risquent sûrement de l'emporter. Avec le retour des Bella Twins, c'est encore plus... Ah non, au contraire, c'est justement le match pour les Faces. Ah, un match pour les Faces, oui, mais on peut pas faire perdre Cody Rhodes et Damien Sandow, surtout avec le retour des Bella Twins, qui sont... Bah si, justement. Non. Je pense que... Franchement, Brodus Clay et Tensai peuvent pas faire le match. Hein. Non, ils peuvent pas gagner, Brodus Clay et Tensai. Que... Franchement, ils peuvent pas perdre. On va pas avancer bien surtout à WrestleMania. Tu verras. Non, je n'y crois pas. Mousti. Bah, comme Renaud, bah, et comme Sébastien aussi, je crois, bah, aucun intérêt, non, ce match-là vraiment. Oui, on va pas passer. Bah, non, pas que faut qu'il y ait un enjeu à chaque fois, ça c'est inhérent à WrestleMania, mais bon, celui-là. En fou, et puis je déteste Ebella, donc à partir de là, je suis pas très content quand deux semaines j'étais déjà. Hein. Quoi oui, ah ben, il y en a une. Faire la là. Poitrine, ouais, c'est, je crois que c'est Nikki qui a refait la poitrine. Ouais, la copine d'Ave Brian, non, c'est ça. Ouais. Bon, enfin, bref. Ouais, mais en deux semaines de retour, voilà, elles sont déjà un match à WrestleMania. J'ai jamais aimé déjà leur capacité in-ring, alors avec quasi une année de sans rien, bah, c'est encore pire que pire, donc. C'est pas très sympa pour les Scholars parce que les gars ils ont aligné beaucoup de défaites alors qu'ils ont fait du bon taf in ring. Je trouve que c'est pas très méritant. Quoi. Et les balancer dans ce match là comme ça. Donc. Et Sébastien Non, j'ai déjà donné mon analyse en premier même. À Tifo, je crois, non ? Ouais. C'est Tifo, je crois. Tifo, ouais. Ouais, moi je vais regarder ce match pour les jolies filles. Non, mais puis après, je pense que. Honnêtement, je pense que ce match il va aller en pré-show. Donc, à partir de là, généralement, les pré-shows, c'est souvent les faces qui gagnent. Enfin, c'est le genre de match à la con. De toute façon, c'est toujours les faces qui gagnent. Donc, voilà, je pense que c'est les faces qui vont gagner. Puis, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre ? Les pronos. Quand je pense que dans tout ça, ils auraient pu mettre un Brian Panties match. C'est salaud. Un quoi ? Un Brian Panties match. C'est plus l'époque de voir je des nanas. Je pas les couilles. Ah, les pronostics, donc vers pas, j'ai bien compris. Oui, victoire des Heels. Tifo. Voilà, victoire des Face. Seb. Victoire de l'équipe de Brodus Clay. Renaud. Les Face aussi. Boost. Ben, je sens que vers pas va se retrouver tout seul parce que moi aussi, c'est les Funkadactyls que je prends. Ouais, pareil, les Sons of Funk et les Funkadactyls ne peuvent pas perdre ce match. Vers pas. Tu verras bien qui aura raison. Ah ben ça, pour le moment, c'est match handicap. En fait, ouais, c'est voilà. Ce qui s'est passé dans les tout derniers shows là, en fait, dans les weekly là, les heels sont ressortis trop grands là dans ce cas, donc c'est à dire qu'ils vont s'en prendre une bonne. Allez, on va passer au match suivant, messieurs. Un match pour le titre intercontinental entre Wade Barrett et le Miz. Et je vais donner la parole à Tifo. Ah, je le sentais. Ouais, bah moi, de toute façon, je suis pas un grand fan de Wade Barrett. Honnêtement, dans le ring, ça me plaît pas trop. Je suis vraiment pas fan. Après, oui, il a un bon charisme. Mais après, je trouve qu'il me saoule en champion intercontinental. Je trouve qu'il apporte rien. Honnêtement. Non, mais ça aussi, j'aimerais bien le dire, c'est comme Cesaro, disons, voilà. Un mineur qui n'a aucun intérêt pour la WWE. C'est l'utilisation, encore une fois. C'est pas la faute. Non, mais même après, vraiment, in-ring, je le trouve vraiment pas. Enfin, ça reste une valeur sûre, mais je le trouve ennuyant dans un ring. Il sait vendre, il sait super bien vendre, ça, il n'y a aucun souci, mais après, je le trouve vraiment ennuyant. Et à côté, le Miz, c'est le Miz, quoi. Je pense. Non, je vais pas dire le résultat maintenant. Mais honnêtement, je sais même pas. Ça, la feud est dure d'il y a combien de temps? 2 semaines. Il n'y avait pas eu d'autres matchs avant? Non. Non, ça part du Miz TV où ils se font la Ça gueule à part cause de leur film et tout. du Triple Threat avec Chris Jericho. Non, il n'y avait pas Oui, eu un Miz TV là qu'avant de où. Miz, il était encore à Cesaro, même qu'il Oui, avait. Miz Fodest avec Cesaro il y a encore 3 semaines. Ouais, enfin, concrètement, c'est le bordel. Alors qu'on aurait tous, je pense, préféré voir un Chris Jericho contre Wade Barrett, contre Ah le oh, maître putain. contre l'élève, quoi. Ouais, voilà, Ouais, c'est mais ce en que j'allais fait, dire. le Le truc, c'est rookie que contre le pro. J'ai dans envie le match de voir 3, ça. c'était Jericho, non, qui avait pris le tombé, je crois. Bah oui, c'est ça, je trouve ça Oui. complètement débile parce qu'il y a un triple threat entre Miz, Jericho et Barrett. Le Miz, lui, il a perdu aussi, mais il a quand même droit à un match, à Un un titre nouveau match. match pour le titre, alors que Et la semaine Jericho, à d'après, côté, il il a. reste à. Et justement, c'est là que je te disais, donc la semaine d'après, il avait battu Wade Barrett en à peine 3 minutes. C'est pour ça. Et ensuite, c'était à Raw, là, donc. Et puis ensuite, il a réclamé le match à WrestleMania aussitôt demain Ouais, matin. comme quoi, il savait vraiment pas quoi faire pour les deux, quoi. En gros, c'est vraiment ça. Hein. Et puis en plus, ça fait une confrontation Marine contre Bitman Down. Ouais, c'est limite s'ils voulaient faire leurs deux vedettes de film l'un contre l'autre, quoi. Ouais, voilà. Donc, C'est à part heureux David qu'ils n'ont pas Otunga inclus aussi. David Otunga qui a fait The Call. Hein. Oui. Je pense pas. Ouais. Il y avait encore pire comme plan. On aurait pu très bien avoir Bo Dallas. Oula. Je l'avais oublié, lui. Bah, Faire lui, pas, s'il te plaît, tu me donnes des cauchemars là. il est arrivé en une semaine, il est reparti en 2 semaines. Il a Donc moi, passé une c'était semaine, réglé. ouais. Ah si, on l'a revu dans un segment la semaine suivante. Ah ouais, je m'en rappelle plus. Ouais, il s'est fait tabasser par Wade Barrett. Ouais. Ah oui. Autant il est mort, ça y Pardon. est. Les pronostics, messieurs, pour ce match. Je vais commencer par Bruce Lee cette fois. The Miz, ça me semble tout à fait inévitable de toute façon. Donc, Ah oui, j'ai pas donné mon avis. Parce que moi, je suis un peu fan de Barrett, donc ça serait con de pas donner mon avis. Oui, toi tu voulais matcher chez Miz, il y a un moment Oh il putain, a plus ils étaient oublié parce partis que pour en plus, hein. c'est ce qu'on dit, c'est les trucs qui tournent sans arrêt parce que chez Miz il est venu provoquer Barrett là sur l'histoire que Barrett se vantait là d'être dans Dead Man Down. Et puis d'un coup, il y a The Miz qui a débarqué, d'accord. Ils ont vraiment changé beaucoup de plan. Putain, ouais non mais Et tant ça m'a fait mieux, du chier. coup, c'est barré. Ouais. Ça me fait vraiment chier de dire que Miz va gagner parce que le Miz est un vainqueur WrestleMania, faut peut-être pas l'oublier. Et que voilà quoi. Oh, c'est pas ça. Moi, je pense que Franchement, c'est ça qui j'espère. la dynamique. Et puis, Non, mais le Miz est un vainqueur WrestleMania. non, mais là, en l'occurrence, c'est plus adversité. Oui, en Ouais, plus de ça. de là à ce qu'il fasse une streak là, de Non, non, deux. il fera pas une streak à Undertaker, enfin, j'espère. Ouais, parce que là, il y en a 3-0, bon, je crois. Ouais, 3-0, c'est ça. Dans ce succès à WrestleMania, quoi, en main event contre John Cena. Ah, on compte pas le pré-show de WrestleMania 25 alors. Non, il avait perdu. On parle que le show là. Ah, d'accord. Alors, non, ça fait 2-0 alors. Ah Pas oui. 3. Ouais, Ouais, donc, c'est à mon déjà. avis, si Wade Barrett perd le titre, j'ose espérer qu'il fasse monter ensuite, quoi. C'est mon seul espoir. Parce que sinon, le Miz va remporter le match, effectivement. Renaud. Ben ouais, j'attends pas grand chose sur ce match. Bon, ça peut donner un bon petit combat si on laisse un peu de temps parce que Barrett et Miz, pour moi, dans un ring, ça va, c'est pas non plus une catastrophe. Mais sinon, je vais dire Miz en pronostic, ouais, Miz. Seb. Oh, sans conviction, je vais dire également le Miz. Tifo. Ouais, au final, moi je pensais le Miz, mais je sais que sur les cartes d'après WrestleMania, il est annoncé nulle part. Donc au final, je verrais peut-être plus Wade Barrett conservé. Il vire pas. Arrête. Écoutez, messieurs, on va passer maintenant donc au match pour le titre des Divas. Alors, il n'y a pas encore été annoncé, mais il y a eu un gros build-up sur les 2 derniers shows de la WWE. Donc, à mon avis, Caitlyn défendra son titre contre Edge Lee et je vais laisser la parole à Mister Verpa. Comment tu peux parler de gros build-up pour un match de Diva à WrestleMania? Oui, non, mais il y a eu le gros Ça build-up. s'est fait carreau là, attends. Il y a eu un gros build-up sur les deux. Il y a eu un gros build-up sur le dernier show, comme quoi ils disent clairement qu'il va y avoir Caitlyn contre Edge Lee, quoi. Ouais, bah de toute façon, si match il y a, on connaît déjà le résultat et en 3 minutes c'est réglé, donc c'est d'autant plus rapide à pronostiquer et à commenter. T'auras quand même eu 2 ans de retard sur tes pronostics initiaux. Bah, entre avoir un titre des Divas et être General Manager, je pense que c'est quand même 3 étapes au-dessus d'être General Manager d'Euro pendant 3 mois. J'avoue. Tifo. Ouais, bah moi de toute façon, vous savez bien, je suis dégoûté, il n'y a pas Leïla déjà. Non, mais honnêtement, c'est franchement dégueulasse parce que. Non, mais Leïla, justement, mais elle était annoncée, oui, elle était annoncée. Ils ont, il clair, bah, ils ont fait un build-up pendant 2 semaines de mésentente entre les deux où Leïla, ouais, bah, c'est ça, le exactement. Finish devant. Il faut dire aussi pour. Il y a Vince, il a viré son booker principal il n'y a pas si longtemps, et Vince, dès qu'il a ah viré oui, celui son qui booker a décidé principal, d'un match lui, tout à l'heure. C'est lui qui a repris tous les rênes du booking. Ouais, mais bon, enfin même, je sais pas, ils auraient pu faire un triple threat, Leïla et G. Caitlin, moi, pour moi, c'est déjà plus intéressant. Enfin, je sais pas, mais voilà, enfin après... Voilà, enfin, il n'y a aucune construction, c'est super. C'est un titre qui sert limite à rien. Puis on va se rincer l'œil, ça va être trop cool. Voilà, j'aurais pu faire un pillow fight. Le Brusty. Renaud, pardon. Ouais, j'attends rien du tout de ce match. Alors vraiment, là, c'est vraiment un match. J'étais même pas au courant. AJ, quand même. Non, moi, j'attends rien du tout. Je te dis la vérité. Franchement, j'en entends rien du tout. Sinon, pronostic, je dis AJ, mais j'attends vraiment pas ce match, perso. Ouais. Déjà, moi, les divas, c'est pas trop mon délire en termes de match. Ah, t'es gay? Visuellement parlant, non, c'est différent. Mario mais c'est pas trop mon délire. Donc, bon, AJ et Caitlin, là, comme ça, sorti nulle part, m'en fous. Donc, AJ a du talent. Seb. On passera sur les pronos. Oh, si ce match peut permettre à AJ de choper la ceinture, je suis pas contre. Hein. C'est peut-être la meilleure diva sur l'année et demie dernière, donc ça récompenserait un petit peu. Est-ce que Ziggler peut tricher sur le titre des divas? Ah non, je ne pense pas quand même. Allez, c'est parti les pronos, donc vers page. Non, Ikus, moi je voulais juste dire, est-ce que ça pourrait pas permettre le retour d'anciennes divas? Oui, mais c'est ce qu'ils veulent faire. Hein. Apparemment, il y a Kelly Kelly qui est en négociation, il y a Beth Phoenix. Non, on va s'en passer de ça par contre. Non, mais. Ou même, je sais pas, relancer. Maria Menounos, comme il dit Gus. Ouais, mais elle a fait 2 WrestleMania déjà, je crois. Hein. Oui. Puis elle va se faire un Hall of Fame. C'était Snooki l'autre, oui, c'est vrai. Oui. Non, mais du coup, si ça pouvait lancer de nouvelles rivalités, je sais pas. Moi, j'aimais pourquoi pas l'hypothèse d'un AJ contre Naomi. Ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Lita. Tout le temps. Quand je pense que Natalia n'a pas de match, ou Tamina, tout ça. Non, mais Tamina, elle va accompagner en Swaggle et Kali. Voilà, ben ouais. Mais quand j'entends ça. Natalia. Natalia, tu veux dire. Oui, Natalia, oui, excuse-moi. Tamina, elle n'accompagne personne. Et Rosa Mendes, elle a pas de match et elle a personne à manager. Donc c'est la plus à plaindre. Bah si, et Pico et Primo. C'est ça le problème. Elle a personne, ouais. Non. Non, mais le problème, c'est que ça, niveau diva, ça tourne en rond. On voit toujours les mêmes combats. Après, faudra un peu de nouveauté. C'est non, mais complètement, ouais. Il faut promouvoir Paige de la NXT. C'est la meilleure exactement. Diva actuellement. Ah oui, c'est exactement ça. Et même quand il y a Alicia Fox aussi qui est sur le banc, il y a Natalia qui est sur le banc. Enfin, c'est. Ouais, Alicia Fox, elle est même plus sur le banc là, elle est au 36e sous-sol. Hein. Oui, on l'a pas vu depuis 3 mois. Non, mais c'est bête parce que voilà, elle a quand même été championne à un moment. Donc... Deux fois championne des divas, je crois. Une fois. Deux fois. Ouais, une fois sur. C'est une fois, moi. Deux fois. Fatal 4-Way 2010. Deux fois. Enfin bref, voilà, faut de la nouveauté pour que ça reprenne, pourquoi pas, un petit peu d'intérêt. Donc AJ, et puis une feud avec Paige, et puis voilà. À faire. Je tape Alicia Fox sur Google et c'est marqué hot. Non, mais bon, on va passer vite fait au pronostic de Verpa. AJ, si match il y a, AJ gagne. Dans un match très court. Tifo. AJ. Une fois, effectivement, ouais. Je viens de regarder. C'était à Fatal 4-Way, donc c'est ça. Ouais, c'est ça. Je me rappelle en plus du match. Sébastien. J'espère que la WWE aura l'intelligence de donner la ceinture à AJ. Renaud. AJ. AJ, ouais. Brusty. AJ après une intervention d'Alicia Fox, du coup, mortellement. Et AJ pour moi aussi, ça devrait être logique si le match a lieu. Ce serait bien un petit finish de Biggie Langston sur Caitlyn, non? Elle sentirait rien. Ah, ce serait génial, franchement. Super. Elle sentirait rien. Une carrière. Allez, c'est parti, messieurs. On va parler du match qui fâche. Brusty. Il y a un match qui te fâche sur cette carte et je sais ce que c'est. Oh, il y en a beaucoup, tu sais. Oh, il y en a surtout un. Bah non, mais il fâche à peu près tout le monde, j'ai l'impression. Et il fâche tout le monde, ce match-là. C'est Chris Jericho contre Fandango, messieurs. Fandango, je vous explique. C'était Johnny Curtis, le vainqueur de la saison 3 de NXT. 4. Ah oui, celle dont le vainqueur, il devait avoir une chance pour les titres par équipe avec son pro et qui n'a jamais eu cette chance. Mais voilà. Alors, c'est sûr, Ertrus, il a préféré passer Hill et affronter Cena pour le titre WWE. Ça peut se comprendre. Ouais, c'est l'autre point Capital Punishment du podcast. C'est vrai qu'encore un qui est nulle part, en fait. Entre Ertrus et Cesaro, il va y avoir du monde. Ou Kofi Kingston pour gagner la Battle Royale que tout le monde veut battre depuis que Yoshitatsu a gagné à WrestleMania 26. Oh là là, il a une mémoire. Non, mais Yoshitatsu, il a existé trois fois. Le jour où il est rentré avec son thème où personne ne le connaissait, le jour où il a eu un match de championnat ECW qu'il a perdu contre Dreamer, je crois, contre Jack Swagger, et le jour où il a gagné la Battle Royale parce qu'il y avait Inoki la veille qui s'était fait introduire au Hall of Fame. Sinon, depuis, il n'existe même plus, il bat même à NXT. Donc, pour vous dire, c'est clair. Ouais. Non, mais pour revenir au match, il y a 10 ans, c'était le fameux match contre Michaels quand même. Faut vivre le clin d'œil, quoi, 10 ans après, Fandango. Même niveau. Ouais, non, mais puis j'ai un problème, quoi, parce que Jericho, la dernière fois qu'il a fait un petit break, là, c'était la semaine de... Quoi, bah, il avait perdu contre Ziggler, là, c'était normal, quoi, c'était un push logique, parce que Ziggler, ensuite, a eu quand même de la réussite, voilà. Alors Fandango, le gars, ben, je ne le vois pas aller plus loin que les titres mineurs. Quoi. En plus, il a une gimmick qui peut être sympa au premier abord, mais qui va l'assez rapidement. C'est un peu gros du stylet 2.0 à ce niveau-là. Donc, moi, je connais ses aptitudes depuis trop longtemps, ben, depuis 6 ans. Ça fait long. Et ben, c'est un catcheur lambda en plus. Donc je ne doute pas que Jericho va sortir le meilleur de lui. Mais enfin, pour Jericho, dis donc, WrestleMania, ça n'a jamais été le fort. Il n'a jamais connu une grande réussite. Et puis là encore. Il y a 2 ans contre Edge, ou 3 ans, je ne sais plus. 26. 3 ans contre Edge quand même. Ben ouais, voilà. Mais par rapport à Jericho, son palmarès et tout. Voilà, et puis c'est chiant. Et puis l'histoire, c'est qu'au départ, ce match-là n'était pas prévu. C'est le fameux Booker qui a été viré depuis, là, qui quand il était revenu sa tournée à Efosi en février, bah, lui avait dit « Oh, bah non, maintenant, t'affrontes Fandango. » Il n'était pas content, hein. Non, il n'était pas content. Après, vu comment ça s'est construit les 2 dernières semaines, tout à l'avantage de Fandango, il a dit « Bon, les choses se mettent bien en place. » C'est plus professionnel qu'autre chose, je pense qu'il a dit ça. Mais surtout, Fandango, il s'est ramassé des You Can't Voices la dernière fois quand il est apparu. Donc, voilà. Ouais, mais c'est à Philadelphie, quoi. Et les smarts ne l'apprécient pas, hein. c'est couru, quoi. Le gars, les gens connaissent un peu, il se rappelle de son run en 2011, et il est apparu que pour se faire squasher par Mark Henry et pas savoir boire du lait, donc voilà. Et il est apparu aussi pour se vider des litres de lait sur la tête. Oui, voilà. Non, mais bon... Voilà, après, je vois pas la direction. Ce qui est le plus intéressant chez Fandango, c'est la danseuse. Voilà ce que j'ai dit. Il avait des segments sympas, Fandango, quand c'était avec Maxine et c'était qui l'autre, là, quand il y avait une story à 3. Elle était énorme, la story à 3. Non, mais. Non, mais... Eric Batman. Si, oui, c'est vrai. Bah, lui, il est où encore? Ouais, mais NXT. Bah, il est NXT. Je le vois même plus. NXT Redemption, c'était. Voilà, quoi. Non, mais bon. Ouais, il faisait pervers en plus, je sais, ouais. On joue à Ryan Biss. Non, mais c'est vrai que Fandango, quand même, il va avoir du mal à... Ça peut être direct l'ultime point de sa carrière en 3 semaines. C'est ça, parce que le problème. On attend quand même qu'il débute depuis le mois de quoi, fin novembre. Début novembre. Donc, c'est quand même extrêmement... Il y a l'histoire des vignettes, ouais, et puis qui se sont arrêtés d'un coup, qui ont repris. Et puis... Le gars qui s'échappe face à Kali et puis qui attaque Jericho, ça me gonfle, ça. Fandango, Tifo. Bah moi, en toute franchise, j'espère que le match n'aura pas lieu, en fait. Non, mais honnêtement, c'est un de mes plus grands espoirs. Kali se venge et détruit Fandango. Ah, je sais pas, mais honnêtement, il se venge parce que Justin Roberts, il a mal dit son nom. Non, mais ça, ce serait terrible, justement. Il se casse, le match n'est pas lieu, et tu caches Jericho dans un autre match pour un titre intercontinental, US, je sais pas. Ça, ce serait génial. Enfin, c'est un contexte un petit peu idyllique, mais après, si le match a vraiment lieu, bah voilà, quoi. C'est... Qu'est-ce que tu veux dire, le mec... Alors, pour les pronos, tu pourras voter aucun, si tu veux. Ouais, on verra, je vais décider, mais... Non, mais voilà, après, le mec, il sort de nulle part, et son entrée, mais elle me les brise. Elle est super longue, la musique, elle est insupportable. Non, moi, c'est ce que je trouve le plus sympa de lui. Donc, mais la musique, elle est insupportable. C'est pas une entrée pour un catcheur, ça, excuse-moi. Je me souviens que certains râlaient un peu contre l'entrée de Brodus Clay, mais en fait, Brodus Clay, elle est très bien par rapport à l'entrée de Fandango. Oh, bah, largement. Ça n'a rien à voir. Non, mais franchement, je suis dégoûté parce que Jericho, c'est quand même un catcheur que voilà, c'est une légende. Moi, je l'adore. C'est comme un dieu, quoi. Enfin, voilà, c'est un dieu du catch. Et puis, se taper pour l'un de ses derniers WrestleMania, peut-être son avant-dernier. Fandango, quoi. Putain, les gars. Ah ouais, peut-être son dernier parce qu'il continuera après, mais disons que ça sera un peu à court alternatif. Mais honnêtement, je pense pas qu'il accepterait de terminer un WrestleMania. Ouais, je pense qu'il va encore pousser. Ouais, pareil. Il voudra jamais terminer comme ça. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis la WWE ne le fera pas terminer comme ça. La WWE. Oui. Il a dit dernièrement dans une interview qu'il veut plus prendre de longue pause, donc ça sera, il apparaîtra à chaque fois qu'il sera pas en concert, quoi. Voilà. Oui, voilà, maintenant Jericho, ça sera épisodique. Mais je pense qu'à la base, déjà, ce qu'il a dit, c'est même pas que je pense, parce que j'ai lu que c'est carrément Jericho qui l'a dit. Il devait affronter Ryback et lui, c'est Jericho qui devait tourner heel. Ouais. Au départ, il y avait un match par équipe. Bah, d'ailleurs, il était revenu un peu. Il aurait pu revenir à heel ou au Rumble. Là, ça aurait pu. Ouais, enfin, honnêtement, entre un Ryback Jericho, enfin, la qualité du match, et je sais pas c'est quoi le pire. Ouais, entre Ryback Jericho et Jericho Fandango, quoi. Ah bah, il faut au moins l'affiche, quoi. Je veux dire, sur le papier, au moins Jericho Ryback. Je veux dire, Ryback, on part à Fandango. Ouais, mais Ryback, pour moi, c'est... J'apprécie pas du tout. Ryback, c'était les Boring lundi. Voilà, non, mais c'est ça. Même Ryback, ça reste quand même un personnage bon. Nouveau au final. C'est... Non. Attends, Ryback, il a un an maintenant. Ouais, il a un an, déconne pas. Il a un an, ouais. Et il est arrivé le vendredi d'après WrestleMania. Ah bon Lundi Non, ouais. Le vendredi, il a commencé à SmackDown. Ah d'accord. Ouais, enfin voilà, ça reste quand même un nouveau. Puis... Il avait affronté un jobber. Ouais, c'est demi jobber, je sais. Oui, voilà, il a fait 6 mois de jobber aussi. Hein. Faut pas... Non, 2 mois. Enfin bref, ouais. Bon, il y aura un bail tout à l'heure. Mais... Ce qui va laisser aussi des regrets, c'est de savoir que Cesaro, par exemple, n'a pas de match actuellement. Et imaginez mais c'est un ça, Cesaro, pourquoi Jericho. Tu nous fais pas un Jericho, Cesaro. C'est ça, moi. Je suis tenté que Christian, là, par miracle, il apparaisse contre Cesaro. Enfin, écoute. En même temps, on peut pas dire que Cesaro pour l'instant réussit particulièrement son règne de champion US. Parce que son règne il est pas dégueulasse. Hein. Qui n'est pas bonne, hein. Voilà. Ouais, mais au niveau des speeches, ça Attends, fait pas réagir. Ouais, c'est il pas y parle pas. Et, disons que l'adversité aussi n'est pas très bonne. Et puis. Attends, on lui a donné qui? On lui a donné Archus, Santino Marella, Gabriel, Great Kali, Justin Gabriel. Non, et ouais. Aksana, un moment, qu'on a perdu de vue d'ailleurs, elle a pas de match à WrestleMania. Tant mieux. Non, mais non, on donne des types contre Cesaro, elles sont scandaleux. C'est le seul à avoir rendu un match de qualité potable, c'est quand même quoi. C'est vrai. Non, mais c'est clairement pas bien, quoi. Donc pour en venir à Jericho Fandango. Ouïouïouï. Non, mais voilà, tu dis Jericho Fandango, t'as juste envie de rigoler, quoi. Oui. Fandango, si a... ça te fait rire quoi. Si ouais. On avait dit ça l'année dernière, personne n'aurait pu le trouver quand même. Ah oui, Johnny Curtis, ça va sa manière, j'avoue. Là. J'avoue. Oh. Non, mais les gimmicks de danseurs, moi je commence à en avoir marre un petit peu. Oui, c'est vrai qu'aussi, il voilà, faut qu'il s'arrête. Comme je disais tout à l'heure, ça lasse. Donc, c'est pas la... Surtout qu'il y a Emma et NXT maintenant. Ouais, aussi. D'ailleurs que Jericho voit arriver à WWE par ce biais, par cette unique comme ça de danseuse aussi. Trop con. De la danse. C'est la dancing era. Et ouais. Ce match, vous savez pourquoi ce match a lieu? Par rapport à Danse avec les Stars et Fandango qui danse. Dancing with the Star. Non, mais c'est n'importe quoi. Jericho y a participé en 2012, donc je crois que j'avais fini 5. Il pourrait bien y avoir une petite surprise avec Jericho qui ramène, comment ça s'appelle, une espèce de. Sa tutrice. Ah, pourquoi donc, pas, ouais. Sa partenaire, ça pourrait bien le faire. Genre Fandango qui arrive et puis il fait une copie de l'entrée de Fandango avec celle avec qui il était pour le jeu. Ouais, au moins il pourrait se foutre de sa gueule, quoi. Pourquoi pas? Bon, alors il y a toujours la solution de Tifo qui est pas mauvaise. Hein. On annule le match et ça finit en draw. Ce serait tellement bien. Ce serait tellement génial. Allez, on va passer donc au pronostic de ce match. Brousty. Aïe. Renaud. Jericho. Sébastien. Bah, je crois que c'est Fandango qui va gagner. Hein, parce que Jericho, je pense qu'il va laisser sa place aux jeunes pour le coup et qu'il va perdre tout simplement. Tifo. Bon, alors, comment dire. Donc honnêtement, je verrai pas. Si le match a lieu, je verrai Jericho parce que je le vois pas perdre contre Fandango. Faut peut-être pas déconner non plus. Et mais sinon, non, honnêtement, je vois pas de vainqueur. Donc voilà. Donc draw. Draw. Entre le cœur et l'esprit, Jericho. Ouais. Ça, bah oui, il faut séparer le cœur. Non mais il nous a tué ce match. Le match est en train de nous tuer là. Ouais. Non, et pour moi, ça sera Fandango parce que Fandango n'a encore apparu, n'est encore jamais apparu dans le ring. Et si la WWE est assez logique dans leur histoire, il devrait remporter son premier combat. Et quel combat contre Jericho, quoi. Ouais, mais est-ce que Jericho tolérerait le fait de perdre contre Fandango quand même? Oui, mais Jericho, il a l'esprit jeune, lui, donc ça lui dérangera pas. Mais, Ouais, quand même, faut pas ouais, puis lui, en même temps, mais c'est pas comme Bret Hart, par exemple, en son temps, qui aimait pas, ou Triple H, évidemment, qui aimait pas se faire dicter les résultats. Donc, non, c'est pas pareil. Bon, messieurs, passons au match suivant. Et je propose donc qu'on fasse un petit gros match quand même. On passe, faisons un petit gros match. Qu'on passe au gros match, au premier gros match de cette soirée, on va parler donc du streak match entre l'Undertaker et CM Punk. Ça nous permettra... Je croyais que tu allais parler de Ryback Mark Henry, parce que quand tu parlais de gros match. Bref, Undertaker CM Punk, messieurs. Je vais donner la parole à Sébastien. Je crois qu'il bug. Il bug encore, Sébastien ? Un autre pour l'instant. Alors, je vais redire Renaud. Alors, je reste sur mon idée que Taker aurait dû s'arrêter à 20-0 déjà, avec le End of an Era contre Triple H l'année dernière. Même si cette affiche, elle me fait envie, parce que Taker Punk, ça me fait carrément envie, mais non, mon idée reste toujours la même. Taker aurait dû s'arrêter à 20-0 pour moi. J'ai beaucoup de doutes sur le Taker. Alors, je sais que le mec, il se prépare, que c'est un vrai pro, et qu'il se prépare toujours pour ses WrestleMania comme un fou. Et que j'ai confiance aussi en Punk, parce que Punk, lui, quand il faut qu'il mène un match, il sait le faire. Mais j'attends pas grand chose. En fait, j'ai pas envie d'être enthousiasmé, tu vois, comme un dingue sur ce match-là, parce que j'ai peur d'être déçu au final. Donc, j'attends pas grand chose de ce match. C'est sûr que si vraiment Punk gère le match comme il faut, et si Taker il est au rendez-vous, ça peut clairement être le match de la soirée. Mais je l'attends pas particulièrement, voilà, d'un point de vue perso, quoi. Sébastien. Pour moi, c'est vraiment la grosse interrogation de la soirée. Quel sera l'état de forme de l'Undertaker? Parce qu'on est habitué à le voir toujours dans des matchs formidables à la WrestleMania. Et CM Punk, on connaît son talent, on sait qu'il peut faire un match avec n'importe qui, il sera forcément bon. Mais là, vraiment, je m'interroge, je suis vraiment curieux de voir le résultat. J'ai pas de doute sur le vainqueur, parce que ça restera une tradition qui ne pourra jamais être supprimée. Mais vraiment, j'attends de voir ce qui va se passer. Je suis dans l'expectative totale. Quel est ce bruit? Bah, c'est Verpa, là. Ouais, c'est Verpa. C'est les extraterrestres, c'est ça? C'est l'Undertaker. J'entends des bruits de flipper. C'est ce que nous dit Verpa. Incompréhensible. Je propose de raccrocher Verpa et de le réinviter tout de suite. Non, pour revenir moi sur ce Punk Taker qui me fait peur, je dois l'avouer, parce que je sais pas dans quel état va être le Taker. Et je reste dans la même idée chrono, comme quoi le Taker aurait dû s'arrêter à 20-0 et pas revenir. Bon, après maintenant il y a un petit contexte, il y a Paul Bearer qui vient de mourir, donc. Oh, c'est pas prévu ça au départ. Non, mais ça arrange la feud en fait. Et vraiment, c'est salaud. Ah oui, c'est vraiment ça. Salaud de dire ça. Mais je pense que sans l'urne, on n'aurait pas une feud aussi bonne. Parce que c'est vraiment la seule feud qui est bien construite. Ah et oui, malheureusement, si cette feud est bien construite, malheureusement, c'est parce que Paul Bearer est décédé, quoi. Et ça m'emmerde un petit peu que la WWE ça me fait chier oui et non que la WWE se serve de Paul Bearer en même temps, c'est normal j'ai lu que la famille était d'accord, mais la famille est d'accord, ouais. Je te rejoins aussi sur ce truc là mais c'est vrai que ça sortait un peu nulle part, parce qu'on sentait vraiment que Punk, on lui donnait ce match parce qu'il avait pas de match, et qu'Undertaker, lui, il avait donné son feu vert à la fédération, il a dit c'est bon, je reviens, on les a mis un contre l'autre, et c'est vrai que grâce à ça, entre guillemets, ben ça donne une feud, quoi. Mais bon, j'attends pas grand-chose. Enfin, on verra bien. Mais... Bah ouais. Bon, on verra. Bon, en 2009, ouais, ils avaient eu des matchs parfois un peu mitigés, un peu controversés aussi en 2009. Non, WrestleMania 25 alors. Non, pas pour WrestleMania, ils sont jamais affrontés à WrestleMania. Oui, d'accord, j'ai la fête de 2009. Hell in the Cell, 2009, à Breaking Point. Oui, je viens de me rappeler. Oui, c'est bon. Ancien punk qui était champion, ouais, voilà. Et qui trichait, ouais. Donc, c'est vrai que là, c'est un défi. Et puis, c'est vrai que je vous rejoins, de toute façon, la symbolique d'Undertaker est un peu foirée. En plus, maintenant, il est obligé d'aller jusqu'au 30. Donc, Punk, décidément, c'est sa spécialité. Après The Rock, là, voilà Undertaker. Je me demande le prochain. Il peut aller Triple H en suivant. Parce que, en ce moment, il affronte que les gars qui sont cramés. Donc, c'est pas le truc. Il va être clairement chargé de faire tout le match. Donc, c'est là que les attentes sont de mon côté. Quoi. Voilà. Qui n'a pas donné son avis ? Moi. Tifo, tu peux y aller. Alors bon, déjà, Undertaker, CM Punk, c'est quand même une putain de belle affiche. Qu'on se le dise, l'affiche, elle a de la gueule. Après, comment dire ? Déjà, l'Undertaker sans des cheveux, c'est pas l'Undertaker pour moi. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Et après, bon, je pense que pour l'état de forme, honnêtement, je suis pas très inquiet, parce que si la WWE le fait revenir, c'est quand même qu'il doit avoir les capacités pour tenir son match. Je pense pas qu'ils aient pris le risque... qu'ils aient pris le risque alors, s'il n'était pas en forme. Ouais, même de lui-même, parce que ça, il a toujours collaboré de près avec Vince McMahon. Je pense même voilà, que c'est lui un grand professionnel. Qui a donné à la fédération. C'est même le contraire, c'est lui qui donne. Mais oui, c'est un grand professionnel. Ouais, ouais. Enfin, moi, je me fais aucun souci là-dessus. Après, moi, ce qui m'emmerde un peu, c'est quand même la construction de la feud autour de la mort de Paul Bearer. Honnêtement, je crois que c'est ce qui m'emmerde le plus, parce que à la base, je pense qu'ils avaient quand même un scénario de prévu. En dehors de ça, parce que c'était vraiment. Mais c'est la façon de la WWE de rendre hommage à ce grand monsieur qui était Bulver. Oui, oui, au passage, oui, c'est vrai que c'est une façon de rendre hommage. Mais il y avait quand même, je pense, un scénario qui était écrit quand même avant. Et moi, je voulais savoir, je serais curieux de savoir, c'était quoi le scénario s'il n'y avait pas eu cette tragique mort. Enfin, c'est ça. Enfin, ça me dérange un petit peu, quoi. Bah, ils auraient laissé Punk faire l'arrogant, de toute façon, mais d'une autre manière, c'est tout. Ah ouais, c'est ça. Lui, hein. Moi, ça me dérange un peu quand même de jouer avec la mort de quelqu'un. Il a gagné contre Punk dans ce contexte. Ouais, ça c'était normal. Après, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ouais, après, c'est dommage quoi, de jouer là-dessus, parce que je pense qu'ils auraient pu sortir quand même quelque chose de pas mal sans cette tragédie. Quoi. Mais bon, après, sur le match à WrestleMania, je pense que ça peut donner quand même du bon. Je pense qu'il va y avoir quand même une belle intensité, justement. Donc, j'attends quand même... J'attends de ce match, quand même. Verpa. Oui, voilà, c'est pas un match avec un enjeu et un suspense indéniable, mais ça reste... Moi, je vais être content, puisque vous connaissez tous mon adoration envers CM Punk. Donc, comme on est à peu près sûr déjà du résultat, je suis déjà ravi. Mais qui plus est, oui, c'est une storyline un peu alambiquée, mais bon, en même temps, dans l'esprit de CM Punk, qui est un peu spécial sur les bords, toujours un adepte des angles un petit peu originaux, un peu scabreux. Et là, ça permet de faire voir quelque chose de nouveau envers l'Undertaker. Et puis, de toute façon, il est un peu logique que l'Undertaker rencontre CM Punk un jour. On attendra toujours un CM Punk Cena. Peut-être un jour aussi, j'espère. Dans ah ouais, c'est manière, ouais, putain. Mais après, il aura fait le tour, donc après, il pourra partir à la retraite tout à fait normalement. Donc, il aura fait le tour de tout ce qui se fait. Peut-être Sheamus un jour, mais sinon, CM Punk, c'est une victime à faire, comme il en a fait Marc Henry et tout ça, hein, dans les dernières années. Et puis, Shawn Michaels, c'est Triple H. Donc, non, je pense que c'est peut-être pas la meilleure année pour l'Undertaker. Alors, après, est-ce qu'on va leur laisser, pardon, un temps d'antenne suffisamment raisonnable pour donner un match à la hauteur de l'Undertaker depuis 4 ans ? C'est plutôt ça, mon interrogation. Parce que sinon, le match en lui-même est tout à fait correct pour un main event secondaire, un main event de troisième choix, c'est très bien. Avec CM Punk. Allez messieurs, on va passer au pronostic, à mon avis, qui va se dérouler en un seul nom. Perds pas. Le quoi ? Le pronostic. Bah, Undertaker. Non, mais qui voudrait honnêtement de son plein gré ou, oui, mais bon, c'est la construction de l'émission qui veut qu'on donne son pronostic, alors on donne notre pronostic. Arrête de râler, hein ? Tifo. CM Punk. Non, je déconne. J'avais fait la même vanne l'année dernière avec Triple H. Je me sentais obligé de la refaire. Sébastien. L'Undertaker. Renaud. Taker avec un bon oh yes qui explose des tribunes du stade. Ah, ça serait énorme. À la fin du match, quand Taker il fait sa petite pause dans le brouillard, qu'on entend un oh yes, ça serait super. J'avoue. Et Brusty. Undertaker. Et pareil pour moi, l'Undertaker. Allez messieurs, on va passer donc au prochain match. Un match pour les un match simple. Ouais, on va parler du match simple entre Ryback et Marc-Henri, messieurs. Les deux hommes forts de la fédération actuellement. Pardon, hein. Hein ? Pourquoi tu dis pas ? Deux hommes forts, pardon, parce que Ryback n'était pas foutu de soulever Tensai. Alors. Oui, non, mais alors je vais t'expliquer, c'est pas le seul, apparemment, il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais plus qui, Tensai a refait l'homme mort sur quelqu'un et il n'a pas réussi à le soulever. Big Show, Kane et Mark Henry sont plus forts que Ryback. Voilà. Ouais, non, mais attends, quand Ryback il fait l'homme mort, quand Tensai fait l'homme mort, personne ne peut le soulever. Le mec était tout raide, forcément. C'est pas la première fois qu'il fait ça, Tensai. Quand il a pas fait le mort à SmackDown, il avait réussi à le soulever. Hein, de toute façon. Ouais. Ouais, moi je doute un peu de ça, mais enfin. Non, si, c'est que ça. Hein. C'est de ça, il a recommencé contre. Mais je crois qu'il a recommencé contre Mark Henry. Contre Mark Henry, de toute façon. Ben. Non, mais bon, moi, c'est rapidement mon jugement sur le match, c'est qu'il y a la plus grosse, c'est globalement ça. Et puis, c'est le match, bon, moi qui prédisais que Ryback, WrestleMania, ça allait faire un flop et puis bye-bye, bah non. Mark Henry est censé le faire grandir, surtout que Mark Henry, bah, plus il vieillit, meilleur il est, donc du coup, ça devrait être assez intéressant, on peut espérer, en tout cas. Assez équilibré quand même, voilà. Verpa. Ouais, oh, c'est un match qui est quand même somme toute intéressant. Bon, par contre, une victoire a priori pas si logique que ça, mais je vois bien une victoire de Ryback. Mais oui, c'est vraiment un match. Marc Henry revient très bien. Ryback a besoin d'être construit avec les différentes dernières défaites qu'il a eues. Donc, c'est un match second couteau, mais qui est vraiment plaisant. Surtout que je voulais poser une question. Est-ce que Ryback a gagné un pay-per-view ? Il n'a jamais gagné un pay-per-view. Non, jamais, non. En plus. Donc. Si, mais il avait battu un jobber local. Ah oui. Bah ouais, oui, il a déjà affronté des jobbers. Alors dans ce cas-là, il a déjà battu Tyler Rex et Kurt Hawkins. Ouais, exact. Aussi, ouais. À Money in the Bank, ouais. Ah ouais, merde. Tifo. Un vrai match. Ce match dans un ring, ça va pas être super, super facile. Là, on va pas leur demander de faire le travail dans le ring, de toute façon. C'est sûr. Après, j'aime beaucoup Mark Henry, moi, comme catcheur, donc je serais très curieux de voir ce que ça va donner. Après, ouais, c'est vraiment par curiosité que je vais regarder ce match, mais après, c'est sûr que je m'attends pas à grand-chose, quand même. Sébastien. Ah, c'est sûr que sur le papier, c'est une jolie opposition. Après, on est certain qu'on va pas avoir le droit à un classique pour ce match, mais on attendra surtout le WrestleMania moment quand Ryback va porter le shell shock sur Mark Henry. Je vais donner mon avis. Ryback, il a besoin de renouveau. Il a clairement besoin de remporter un match en pay-per-view parce que depuis ses défaites contre CM Punk et contre le Shield, le bonhomme n'a pas remporté un seul combat en pay-per-view depuis Money in the Bank, il me semble, et ça commence à faire long, et qu'il a vraiment besoin donc de gagner pour redevenir crédible. C'était en juillet, donc. Ouais. Effectivement. Brusty, je sais pas si oui, je t'ai déjà donné la parole. Hein. D'ailleurs, bah, moi, je te. Renaud. Totalement d'accord avec ce qu'il a dit Sébastien. J'ai cru m'entendre parler, donc bon. C'est pour le WrestleMania moment, c'est pour le finish. Sinon, ce serait un match de big man assez stiff. Pas s'attendre à un truc de fou, mais personne s'attend à un truc de fou. Est-ce que le ring va exploser ? Ah ben, je pense pas qu'ils vont nous faire ça pour WrestleMania, qu'ils vont prendre leurs précautions. Mais bon, d'un côté, ça serait un WrestleMania moment aussi, il faut dire. Mais bon. Ouais. Non, je pense pas quand même. Allez, les pronostics, les pronos de Sébastien. Pour Marc-Henri Ryback. Moi, comme je pronostiquais un shell shock, donc je veux dire que Ryback va remporter le match. Et c'est Renaud. Ouais, Ryback avec le shell shock sur Mark Henry à WrestleMania. Mmh. Brusty. Là, de même. Verpa. Ryback. Tifo. Ryback également. Et Ryback va également remporter pour moi, mais peut-être pas avec le shell shock, à mon avis, ils vont lui trouver un nouveau finisher. pense que ça pourrait être énorme. Non, pas roll-up, non. Allez, messieurs, je propose qu'on passe au match suivant, un six-man tag team match entre opposants, donc Randy Orton, Sheamus et Big Show. Messieurs, les jeunes, les trois mecs, les trois hommes du Shield vont faire leur premier WrestleMania contre eux. Trois pointures de la WWE, c'est quand même la classe. Tifo. Eh bah ouais, ce match, bah ça donne plutôt envie, mais moi, pour moi, le seul bémol de ce match, c'est que ça manque de stipulation. On est d'accord. On est... Ah, vas-y, Tifo, tu finis. Ouais, bah non, je voulais juste dire une stipulation, parce que quand même, un match à 6, ça reste quand même des big men. Ça peut devenir assez lourd au bout de quelques minutes, donc une stipu, ça aurait été vraiment pas mal pour que que ça aille à l'extérieur du ring, qu'il y ait des objets et tout, ça aurait... Pour moi, ça aurait dynamisé le match, quoi. Bon, si. Bah, moi, ce match, vu que je regarde malheureusement tous les SmackDown ces temps-ci, bah, il me gonfle dans le sens où ils ont pas arrêté de chipoter dans tous les sens sur la cohésion entre Sheamus et Big Show. Parce qu'ils n'ont pas voulu faire tourner Big Show, peut-être. Parce que Big Show, il est quand même dans un rôle tweener, il n'est pas totalement face. Hein. Oui, non, c'est plus une association de circonstances, voilà, parce que The Shield avait... Il s'attaque un peu à tout le monde. Logiquement, over après deux victoires marquantes, une en pay-per-view et une autre... Les deux en pay-per-view, les trois plutôt. Deux en... Attends, ils ont gagné... Ils en ont deux en pay-per-view, non, et l'Elimination Chamber. Ah, voilà. Une Arrow aussi qui était. Deux Arrow, mais je vous rappelle qu'ils ont battu Great Khali. Jericho, Sheamus et. Voilà, je pense que c'est Ryback, voilà. Donc moi je compte aussi quand victoire marquante. Donc. Ouais. Ben ouais, non, mais bon, ce match, il peut être sympa parce qu'il y a la folie que les trois peuvent apporter. Puis. Que bon, en face, Sheamus, Big Show et Randy Orton, bon, ben dans ce cas de figure, ce ne sont pas des manchots. Bon, après. Ben, la question, c'est de garder l'invincibilité de Shield face à des gars qui n'ont pas spécialement besoin de les battre, j'ai l'impression. Je sais pas, ça c'est mon sentiment, mais vu que Shadow n'a pas de plan pour eux depuis un moment, surtout pour Orton. Donc, du coup, je sais pas. C'est typiquement l'opposition en fait, entre une équipe parfaitement huilée et trois égoïstes clairs. Quoi. Donc, c'est comme ça que ça veut construire. Bon, moi, je trouve que ça risque d'être le match de la première heure de WrestleMania parce que je vois les matchs pourris de WrestleMania à la première heure. Donc, Sébastien. Ouais, déjà, je suis content que le Big Show ait remplacé Ryback parce que je commençais à en avoir marre de voir Ryback impliqué avec le Shield parce que ça tournait toujours en rond. Et d'ailleurs, je trouve que ça tourne toujours en rond pour le Shield qui n'a pas vraiment évolué depuis ses débuts. Donc moi, je commence un peu à me lasser de ce clan, même si je trouve qu'ils sont très bons, les trois bonhommes ensemble. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment où est-ce qu'ils vont, quel est leur but. Il n'y a pas d'évolution majeure dans leur groupe et donc ça me gêne un peu. Sinon, après, moi, je pense que ce sera le soir tant attendu où Randy Orton va trahir son équipe et va enfin tourner parce que, tout simplement, actuellement, à SmackDown, on le voit être en quelque sorte la voix de la raison dans son équipe, alors que c'est pas du tout le rôle de Randy Orton, qui est censé être un catcheur qui fait tout seul et qui n'a pas d'amis. Alors actuellement, il fait tout le contraire, donc je pense que ça couvre quelque chose de louche et qu'il va certainement se retourner contre son équipe à WrestleMania. Tifo. Attends, faut que je dise quoi là. Attends, le match du Shield. Mais j'ai déjà dit. Ah, petit vers pas. Peut-être ergoté d'où il rentre, je sais pas. Ouais, non, mais ouais, c'est ce que je disais sur le chat. Ce serait cool qu'il nous fasse une grosse entrée. Je sais pas, qu'il nous fasse un truc ouais, de malade. Vu comment ils sont habillés, fort spécial, moi je les vois arriver sans déconner par Lico. Voilà. Ce serait énormissime. Ah, ça serait énormissime. Non, mais franchement, moi je m'attends à une grosse entrée du Shield. Moi j'aimerais trop. Quoi. J'attends plus l'entrée que le match, perso. C'est ça. Pas. Arrêtez de rêver là, non, il y aura pas. Puis c'est là que The Shield, de toute façon, en plus venir par le public, si le stade il fait quoi, 80 000 places. Ouais, putain, non, j'y crois pas. Parce que s'il y a 400 mètres à faire dans la foule, c'est mort. Et oui, en plus, il y a plusieurs étages alors. les tyroliennes depuis 97, c'est plus d'actualité, donc je sais pas trop ce qu'ils pourraient tester en parachute. Tyrolienne. Pourquoi pas une tyrolienne, ouais. Tira demander à Martha Hart, c'est un petit peu infaisable. Donc, non, par contre, c'est un match qui est à 99. Oh, j'ai 2 années de décage. Mais par contre, concernant le match, c'est peut-être un des plus indécis auxquels nous pouvons faire face. Parce que, bon, ok, l'entrée du Shield risque d'être attendue. Mais l'équipe en face, qui est certes assez hétéroclite, reste quand même assez intéressante. Parce que, bon, Sheamus, ça reste une des plus belle figure qu'il y a actuellement avec Cena et CM Punk. Donc après, bon, Randy Orton va-t-il tourner ou pas? Si victoire il y a de Shield, bien évidemment, on peut logiquement penser que ce sera Randy Orton qui trahira ses deux amis. Mais par contre, le Big Show est quand même très très bien mis en avant depuis quelques mois. Donc je serais pas étonné que le Big Show finisse le travail et que ce soit la fin du Shield en tant que tel. Ah non. Mais c'est vraiment très indécis. Non. Qui n'a pas donné son avis sur le match? Moi, mais j'ai pas grand chose à dire, donc bon, la construction à chaque fois m'ennuie un peu face au Shield. On prend toujours 3 main eventers, on change un peu. Bon, celui-là on l'a pris, donc on l'enlève. Tiens, on va prendre celui-là qui a rien, on va le mettre. On forme une association quoi pour un soir, puis à chaque fois ça se poursuit pas trop derrière. Bon, je sais pas trop quoi penser. Il leur faudrait une vraie feud de 2 petits mois par exemple, genre 3, ouais, 4. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, ouais, complètement. Ouais. Parce qu'à chaque fois, il passe à autre chose. Bon, je sais pas trop quoi penser. J'espère que le Shield va briller parce que c'est quand même 3 jeunes qui sont vraiment bons dans le ring. Et c'est vrai que oui, Orton, Sheamus et Big Show sont pas mauvais non plus. Vous dites qu'ils sont bons dans le ring, mais les gars, il faut pas oublier que Roman Reigns, il est assez limité aussi. On le trouve bon parce qu'il est associé à 2 génies. Ah oui. Ah non, mais ça c'est clair. Mais bon, justement. Quand vous dites que les 3 sont bons, faut pas oublier quand même que Roman Reigns, il est limité. Vas-y, Brucey. Non, mais les 3 sont bons en équipe. Moi, je dirais pas le contraire. Ouais. Reigns en solo, il est foutu. De toute façon. Ouais, Roman Reigns, c'est comme Hernandez à la TNA. Tu le mets en équipe, il peut briller, mais en solo, c'est vrai que c'est assez, assez terrible, je pense. Je suis d'accord. Allez, pronostic, messieurs. Le pronostic de Mister Renault, Mister Renard. Ah bah écoute, pour ce pronostic, non, je vais choisir. Je sais pas. C'est vrai que c'est. Je sais pas, j'ai même pas réfléchi. Tu sais, qu'est-ce que je vais dire? Ben, je vais dire les main eventers, Orton, Sheamus et Big Show. Brucey. The Shield. Verpa. The Shield. Mais attention, je joue gros en ajoutant une petite stipulation. Je prévois un remake du match de WrestleMania 27 où il y a eu Kane, Big Show, Santino et Kofi Kingston qui avaient battu The Core, donc un autre groupe. Vous prendre qui était beaucoup plus sur le déclin en 1 minute 12. Oui, c'est un match pourri. Je mise un match sous les 2 minutes 50. Non, t'es fou toi, il va durer le match. Hein. J'y donne 10 minutes moi. 15. T'as le droit de rêver. 15. Tifo. The Shield. Et Sébastien. The Shield aussi. Également pour moi, The Shield devrait l'emporter pour continuer leur avancée logique. Là, il y a Renaud qui m'a demandé s'il pouvait pas faire annoncer le prochain match. Il veut nous faire une petite surprise. Vas-y Renaud, je peux pas te refuser ça. Je te remercie, Vin. Alors, pour le prochain match, nous aurons donc le Mexicain, Alberto Del Rio, qui affronte l'Américain, Jack Swagger. Messieurs, je veux dire, c'est un match... non, Verpa, je réponds à Verpa sur le chat, je suis pas sous Helium, je suis sur RMC. Alors, c'est pas un match... c'est un match entre Mexicain et Américain. Alors, je demande la parole à Sébastien. Pour toi, c'est qui va gagner, Del Rio ou Swagger? Oh, je veux dire quoi, Victor, hein, j'arrive pas à faire comme toi, moi. Non, moi, je pense que dans ce match... Ouais. Tu me prends des pourris, en fait. C'est le stress de se concentrer. Non, moi, je dirais Del Rio. Pourquoi? De retour sur RMC, nous avons Del Rio contre Sébastien. Je me demande pourquoi ça rigole. Allez, on va passer à un autre, on reviendra à Sébastien après, on essaye avec Verpa. Donc c'est Swagger, Alberto Del Rio. C'est ça. Je viens de dire, Swagger l'Américain, Del Rio le Mexicain. Pas possible, alors. J'aime bien l'Américain. Ces derniers temps, il est bien revenu, donc... je sais pas trop. Non, Swagger, il a un bon manager, donc il va gagner. Donc tu vas Swagger l'emporter, Verpa? Ouais, mais faut qu'il appelle le coach, hein, parce que moi je veux savoir si le coach il a un avis sur Jeff Coulter. Salut à tous! Salut! Alors, pour le prochain match, allô, est-ce qu'on m'entend? Alors, oui. Bon, ce match, je pense que d'un côté, si on met Del Rio en avant et qu'on met Swagger en retrait, eh bien peut-être que Del Rio, il peut l'emporter. T'as raison. Putain, c'est génial. Putain. C'est génial. Allez, ça, non. Oh putain. Est-ce que je pourrais aussi avoir l'avis de Luis Fernandez sur Alberto Del Rio? C'est un très bon catcheur. C'est un super catcheur. Del Rio, c'est un super catcheur technique. Donc il peut l'emporter. Il en manque un. Moscato. Oh, c'est Vincent Moscato, 32-16. C'est ça, lui, Marise. Putain. Ça, c'est une souci. Vincent Moscato, il s'est arrêté à WrestleMania 25. Donc, on peut comprendre qu'il y a un petit peu de temps qu'il faut prendre. Il pourrait en venir. Bon, on va être sérieux, Samy. Renaud, ton avis sur le match? Ah non, mais tu peux parler maintenant derrière. Putain, attends. C'est chaud de revenir là dans le truc. Waouh, c'est terrible. Match en lui-même, eh ben écoute, moi c'est le match sur lequel j'ai le moins de doutes. Donc voilà, c'est Del Rio, il est en forme, Swagger, il est en forme, tu affrontes les deux, tu leur laisses un peu de temps. Ils sont bons in ring, en plus ça pue l'inédit à plein nez, ils sont jamais affrontés, si je dis pas de conneries. Jamais. Voilà, donc ouais, c'est le match que j'attends le plus, moi. En fait, c'est le match où j'ai le moins de doutes. Donc voilà. Voilà pour moi. Et moi, pour ma part, c'est le match que j'attends le plus sur toute la carte. Hein, parce que The Roxina, on sait ce que ça donne. Non, mais toi, c'est différent parce que t'es hyper fan de Del Rio. Mais moi, je suis pas particulièrement fan des deux, mais c'est le match que j'attends le plus de toute la carte. Parce que Taker Punk, je sais pas ce que ça va donner et ça me fait chier parce que le Taker, on sait pas comment il est. The Roxina, on sait ce que ça donne. Il y a peut-être Triple H Lesnar, vu la stipulation, qui peut être intéressant, mais je l'attends pas autant que ce Swagger Del Rio. Et c'est vrai qu'après le reste de la carte est assez moisi, donc c'est vrai que c'est le match qui me donne le plus envie, quoi. C'est une rencontre inédite, Swagger il revit, il a le personnage qui lui colle à la peau pour le moment. Zeb Colter, que je n'aimais pas au début, et bien au final Zeb Colter il est génial. Ah bah tu vois. Et c'est un truc de fou, ça lui colle bien. Ah, mais comme quoi, là, les vieux, là, ils avaient raison de le défendre la dernière fois. Il y a quelqu'un qui ne change pas d'avis. Oui, c'est pas faux. Donc on t'attend sur Jeff Hardy. Non, mais j'ai déjà changé d'avis sur Jeff Hardy, je l'aimais bien au début. Non, mais le match, ben, moi, je les apprécie les deux, mais je doute un petit peu sur un truc, c'est que Del Rio, ben, depuis quelque temps, je crois que c'est pas ce qu'il dit, il doute un petit peu, j'ai l'impression qu'il digère peut-être pas aussi bien qu'espérait le face turn. Je le sens un peu moins à l'aise que quand il était heel, et je sais pas, j'ai trouvé un peu moins performant que les fois précédentes. En tout cas, après, sur ce match-là, non, je doute pas qu'il puisse fournir quelque chose aussi en même temps, parce que Swagger, bah, il est absolument parfait. Et, les matchs contre Jericho, Kofi Kingston au début, pareil, c'était parfait. Puis finalement, ben, ça se voit que la WWE quand même lui pardonne certains trucs, vu qu'il était chopé pour des anabolisants, quelque chose comme ça, des drogues là. Non, c'était un excès de vitesse qui s'est fait choper. Il était bourré. Ah voilà, oui, qui était bourré en excès de vitesse. Bon voilà, il lui a pardonné beaucoup près. Beaucoup seraient admirés. Hein. Pas son match, voilà, bah ben, oui. Mais c'est pour ça qu'il est assez bien vu et que depuis, ben, il fait impeccable son taf. Après cette rivalité, comme elle est tournée, bon, il y a encore le ben Ricardo, le pauvre, ben lui en prend toujours plein la gueule. Cette fois-ci, c'est l'histoire du pied cassé. Et ben, sinon, non, mais l'attelage de Swagger Colter est très très bon. Hein. Il y a le tout. Voilà, parce que Swagger, il a quelques limites au micro qui sont pas à être comblées, justement, par le fait qu'il est Colter, qui lui, il a de la bouteille dans le genre manager. Donc. Voilà, après, ben, je sens qu'il y aura aussi un après-match après. Je me rends comme un camion. Tifo. Ouais. Pouah, qu'est-ce que je peux dire là-dessus, moi? Non, bah, moi, Zeb Colter, il m'emballe toujours pas, lui. Alors, son style de pêcheur, non, j'arrive pas à accrocher du tout. Après, la feud, je sais pas, ça m'emballe pas. Je sais pas, je suis pas emballé du tout. Pourtant, dans le match, je peux donner des bons trucs, mais la feud, je sais pas, m'emballe pas du tout. Bien que ce soit un truc nouveau, je sais pas, ça m'emmerde. Honnêtement, ça m'emmerde. Voilà. Qui n'a pas donné son avis? Bah, c'est bon, hein. Tout le monde. Bah écoutez, messieurs, je propose qu'on passe à notre petit pronostic. Je vais demander la parole à. Bah, je vais commencer cette fois-ci. Pour moi, c'est Swagger qui va l'emporter. Verpa. Verpa qui nous a quittés. J'avais pas vu. Au revoir, Verpa. S'il te Ouais, plaît, la partie swagger Del Rio, ça aurait été n'importe quoi du début à la fin. S'il faut. tout comme la feud, quoi, c'est du grand n'importe quoi. Non, la Attends. feuille, elle est correcte. Hein. Ouais, bah, moi je suis pas emballé, je te le répète. Mais donc, je vois quand même Del Rio l'emporter malgré tout. Sébastien. Alors moi, j'ai plus de doutes sur l'après-match que sur le résultat du match en lui-même. Pour Idem. moi, Del Rio va gagner le match, mais après, est-ce que Ziggler cachera ou pas? Ça, c'est point d'interrogation. Alors, il y a le vote de Verpa qui s'est en allé et qui dit qu'il voit Del Rio l'emporter. Renaud. Ouais, Del Rio aussi, je vois Del Rio Et conserver. Bousti. Alors pour moi, c'est Jack Swagger qui gagne et puis CM Punk. CM Punk. Dolph Ziggler cache ensuite et fait un face turn. Tu vois face turner toi? Oh ouais, Avec je suis assez Eddie fou là à ce niveau-là. AJ, non, ça va se désolidariser. On verra, je suis Mon pas sûr. avis, on en parlera tout à l'heure lors du match par équipe, mais à mon avis, il va y avoir aussi des Bah solidarisations. d'ailleurs, on va y parler maintenant. Merci pour la transition. Puisque Dolph Ziggler et Eddie Kingston affronteront la Team Endo pour les titres par équipe. Je suis assez déçu de voir ce match-là. Moi, je vous le savais très bien. J'étais un grand défendeur de la feud de Kane Bryan. J'aurais kiffé voir ça à WrestleMania, mais malheureusement, ça s'est pas fait. Tifo, au lieu de boire. Je bois pas. Ah, tu touchais ton truc, alors enfin, je sais pas. Tu touchais Je ton ne truc. touchais Attends, on peut imaginer des strictement choses. rien du tout. C'est ambigu Tu tout as ça. laissé très mal placé, Gus. Mais non. Oh. Bah alors, je vais revenir sur ce match quand même. Bah ouais, c'est vrai que c'est dommage de voir la Team Elno affronter Ziggler et Biggie. Tu sens quand même que ça fait quand même le match bouche-trou, honnêtement, parce que Biggie, le mec, son premier match dans son histoire de la WWE, bah ce sera WrestleMania. Ça fait un petit peu mal au cul, j'ai envie de dire. Donc on peut noter quand même qu'il y aura deux débuts, normalement, Fandango et puis quand même Biggie. Donc c'est quand même assez osé, je trouve, pour un WrestleMania. Et après, ouais, bah, j'attends pas grand-chose de ce match. Je pense que le vainqueur est couru d'avance. Et puis, bah, on espère tous que Ziggler va pouvoir aller plus loin que les titres par équipe durant ce show, quoi. Renaud. Ben moi, je suis plus déçu de voir Ziggler dans ce match que Team Elno ensemble sur ce match-là. Même si je comprends hein, ton point de vue sur le Kane, Daniel Bryan a un contrat, mais c'est surtout Ziggler par rapport à l'année qu'il a fait 2012 sur la fin, les pay-per-view qu'il a enchaînés, les matchs qu'il a enchaînés, même sa prestation au Rumble de 2013 en début d'année, on pouvait vraiment s'attendre à ce qu'il ait un gros match. Bon, on va pas en parler 30 ans, hein, c'est pas le cas, donc c'est officiel, Team Elno contre Ziggler et Biggie. Mais au final, je me dis que si Ziggler gagne les titres par équipe, ce qui risque pas d'arriver, je pense vraiment pas, mais bon. Si Ziggler gagne les titres par équipe et qu'il cache aussi sa mallette sur Del Rio à la fin et qu'il ressort champion par équipe et champion du monde, Oui, ce sera en une soirée, soit un soit l'autre. ouais, ou alors ça peut être soit un soit l'autre, mais même si c'est qu'un, même disons que c'est que le titre de champion du monde le plus important, je veux dire, sur une soirée, on passe Ziggler, on est déçu de le voir là, et il sort de WrestleMania champion, donc j'attends quand même de voir pour Ziggler ce qui va se passer ce soir-là. Moi, j'y crois toujours à ça, au cash. Mais le match en lui-même, oui, je suis déçu de le voir là, oui, clairement, ouais. Ben, le match, moi aussi, j'attends pas grand-chose, malheureusement. Ben, et surtout qu'il a été un peu rajouté encore à l'arrache dernièrement, avec c'était suite à une attaque de Biggie, la fin, après un match contre Kane, là, qui a mis le Big Ending. Voilà, après Biggie, moi, je le déteste vraiment, parce que, enfin, déteste. Bon, dans le genre qu'il est vraiment très très limité, à part son finisher, il fait rien d'autre sur ring. Et d'ailleurs, en tant que champion NXT, c'est faible. Bon, après, match par équipe, ça peut être gagnant, mais dans le sens où c'est Ziggler qui va faire le match à sa place avec bah, les deux autres. Ah oui, bah oui, ce sera Ziggler, oui, clairement. Après, bon, il n'y a pas trop le suspense. La preuve, même à chaque fois, là encore, là, je regardais Main Event, il y avait Brian au commentaire et puis c'était Kane contre Antonio Cesaro. Et Edge, elle a encore débarqué dans le match pour essayer de distraire. Mais bon, Brian l'en a empêché. Voilà. Non, mais c'est pour dire que même, je ne vois pas vraiment Ziggler et Langston impliqués dedans, ce qui est assez paradoxal. Parce qu'elle est assez bizarre, cette rivalité. Qui n'a pas donné son avis? Tout le monde a donné son avis, mais écoutez, j'ai pas grand chose à particulier, j'attends pas spécialement ce match-là. J'imagine bien évidemment que Tim Elno va remporter ce combat, j'arrive pas à voir Ziggler et Big E champions ensemble. Donc à mon avis, une victoire de Tim Elno serait le bienvenu pour les perdre à Extreme Rules, chose que j'espère pour pouvoir les voir partir en feud et laisser Daniel Bryan partir vers un titre majeur. Tifo, ton pronostic? Bah, Tim Elno. Sébastien. Ah, je sais pas, je suis partagé. Hein, je pense que les deux solutions sont plausibles. Je verrais peut-être une situation où tu verrais Dolph Ziggler champion par équipe avec Big E et AJ avec la ceinture féminine. Ça ferait un clan avec beaucoup de titres. Mais pour cette soirée, je vais quand même dire victoire de Kane et Daniel Bryan. Renaud. Ouais, je vais quand même dire Tim Elno aussi, ouais. Et Brousty. Suite à tout ce que j'ai dit précédemment, c'est évidemment Tim Elno qui va sortir un bunker pour moi. Alors, messieurs, je propose que l'on passe donc au match suivant, qui est... Alors, attendez, parce qu'il faut que je revienne sur la carte. Voilà, c'est fait. Le match pour... Il en reste deux, hein. C'est ça, Triple H, Lesnar. Voilà. Ouais. Voilà, donc on va passer au No Holds Barred match et la carrière de Triple H est en jeu, messieurs. Il va affronter Brock Lesnar, la revanche de SummerSlam. Là aussi, un build-up assez mauvais. Chose qui peut peut-être sauver le match, c'est la stipulation qui met en jeu la carrière de Triple H. Messieurs, parce que là, du coup, ça fait un match complètement indécis. Parce que franchement, pour moi, Triple H, je le vois pas prendre sa retraite officiellement dans un ring, tout simplement parce que je le vois prendre un rôle comme avait Vince McMahon à l'époque Attitude, c'est-à-dire où il pouvait faire des matchs assez souvent et avoir des rivalités quoi. Pour moi, c'est le rôle que doit reprendre Triple H aujourd'hui. Défendre l'honneur des McMahon et défendre son propre honneur quoi. Vu que à mon avis, il sera Sherman d'ici quelques temps, ce serait pas étonnant de voir ça. Il prendra jamais techniquement sa retraite, le Triple H. Clairement, moi je te suis complètement sur ça. Mais pour moi, c'est surtout la stipulation que ça soit No Holds Barred qui va sauver le match, je pense, parce que Lesnar, maintenant lui, il est clairement en mode bourrin. Avant, il était quand même bourrin, Lesnar, sur son premier run, mais beaucoup plus technique. Mais c'est vrai qu'il a quand même construit sa carrière sur ses matchs à l'Incel contre le Taker, tout ça à l'époque, c'était bien gore. Triple H, lui aussi, hein, il a construit ses carrières contre Cactus Jack, les matchs contre Shawn Michaels, ça a vraiment été des matchs de fou, de bourrin en cage, en hardcore. Donc c'est vraiment la stipulation qu'il leur fallait. Et ça peut sauver le truc, parce que SummerSlam, il n'y avait pas de stipu. Et on a été assez déçus du match, très déçus. Et là, je pense que ce match-là, dans la soirée, ça peut vraiment être l'épouvantail, quoi, l'ovni. C'est vraiment un match, là ça sera pas PG là. Pour ce moment là, ça sera pas PG era, ça va vraiment être un match à l'ancienne. Et moi je l'attends particulièrement parce que j'aime bien aussi quand ça fait gros bourrin. Je suis fan de catch technique comme par exemple Del Rio Swagger que j'attends, en premier d'ailleurs. Mais voilà, une petite pause un peu bourrin, ça me plaît bien. Et Triple H Lesnar, ils vont livrer la marchandise, ça va être un gros combat bien, bien stiff. Donc j'attends ce match, ouais, vraiment, clairement. Le match qui avait fait beaucoup débat entre Brock Lesnar et John Cena, c'était pas un No Holds Barred aussi? Non, c'était un Extreme Rules. Okay. Mais là, on joue sur les mots. Hein. Oui, bah oui, c'est un peu la même stipule d'ailleurs. Alors, c'est pareil. Hein. C'est curieux ça, ouais. Ouais. Fight et tout ça, c'est un peu. Ouais. Sauf que là, je vois mal des gars venir en plein match checker les catchers si jamais ils saignent. Parce que Triple H et Lesnar, ils vont repousser tout le monde. Et là, ça va être vraiment la bagarre. Hein. À WrestleMania, ça va pas couper comme ça. D'ailleurs, ça avait commencé sur Lesnar qui s'était bien ouvert. Donc, en plus, ouais. Pardon, mais là... Non, si je vois Brock Lesnar gagner, ce serait avec une entourloupe de Paul Heyman. On verra, je sais pas. C'est vrai que... Je sais pas, honnêtement, là j'avoue, je sais pas trop. Après, il paraît qu'il aurait un grand rôle à jouer à WrestleMania 30, mais c'est encore très éloigné. Mais le truc, c'est que Triple H, quand même, il est assez cramé. Il est beaucoup plus près du bureau que du ring. Bon, après, c'est sûr que c'est pas non plus pour continuer une carrière, mais pour apparaître de temps en temps. Voilà. Ça, c'est le mais je te dis, comme Vince McMahon il y a 10 ans, quoi. Mais je reste un peu dubitatif. Bon, je donnerai mon pronostic tout à l'heure, mais je reste un peu dubitatif par rapport à cela. Je sais pas s'il a envie de continuer à prendre des risques, alors que Lesnar, lui, bah, y a pas de souci. Ils lui ont déjà fait le contrat, donc après tout, ce niveau-là, si Triple H il a décidé de vraiment pousser Lesnar vers de plus hautes destinées, bah, il le fera. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Qui n'a pas donné son avis, puisque là, du coup, on n'est plus que 5, Sébastien. Alors moi, je vais te donner tout de suite mon pronostic, parce que ça fait partie de mon analyse. Donc, pour moi, Brock Lesnar va remporter le combat pour 3 points. Tout d'abord, Triple H n'a plus aucune raison de catcher après ce match, même pour des rivalités ponctuelles. Je veux dire, il a tout fait, il a récupéré toutes les ceintures, il a déjà eu des matchs contre l'Undertaker à WrestleMania. Non, mais bref, il a tout fait. Ouais. Moi, je vais te donner mon avis vite fait. Triple H, il ira plus jamais sur les titres, hein, ça c'est clair. Par contre, pour des rivalités, pour des grosses rivalités comme a eu Vince McMahon il y a 10 ans, c'est plutôt le rôle que va reprendre Triple H à partir de maintenant. Je vois pas Triple H perdre ce combat pour cette raison-là. Ouais, mais il n'y a pas forcément d'intérêt non plus à faire ça, je pense. Hein. Il peut rester derrière les bureaux maintenant. Non, mais il faut. La WWE doit avoir quelqu'un pour défendre son honneur, tu vois. Si jamais l'honneur de la WWE est bafoué par un type, que ce soit un ancien ou même un gars de maintenant, à mon avis, c'est possible que ce soit Triple H qui l'affronte. Et ça, c'est plutôt l'idée de base, quoi. Admettons. Mais sinon, autre point, déjà, il faut faire en sorte que Lesnar soit très fort pour WrestleMania 30, parce qu'apparemment, il affronterait le Rock. Alors imaginez si Lesnar arrive en se targuant d'avoir été l'homme qui a mis à la retraite Triple H, ce serait un véritable accomplissement pour lui. Et dernier point un peu moins technique, mais j'ai noté qu'il y a un DVD sur la carrière de Triple H qui va sortir en septembre. Et pour moi, ça coïnciderait parfaitement, donc... Tous ces points réunis feraient que Triple H va perdre ce match. Je suis pas d'accord, moi. Enfin, bref. Le pronostic de Sifo. C'est dur à pronostiquer, hein, n'empêche. Oui, celui-là, c'est le plus indécis avec le... je verrai Triple H, quand même. Sébastien. Putain, pardon, Brock désolé. Lesnar, ouais. Verpa nous dit Brock Lesnar également. Renaud. Brock Lesnar aussi. Alors que j'ai oublié de dire le pronostic de Tifo de Verpa sur le match d'avant qu'on a dit, c'était donc Biggie Langston et Ziggler contre Team NO, il voit une victoire de Ziggler et Biggie. Brousty. Brock Lesnar. Moi, ça serait une victoire de Triple H également. Donc assez indécis, quoi. Pour nous, c'est peut-être le match le plus indécis de la carte pour nous, messieurs. Et puis c'est une bonne nouvelle. On aura peut-être de quoi parler pour le podcast d'après WrestleMania, qu'on attend plus particulièrement. Et messieurs, je vais passer maintenant au main event. Enfin, le main event annoncé de cette soirée pour le match pour le WWE Championship entre le Rock, le champion absent. Twice in a lifetime. Twice in a lifetime, effectivement. The Rock, John Cena, messieurs. Le problème, c'est qu'on n'a rien à dire sur ce match, tellement le build-up était mauvais que. Non, mais c'est un dire. Peu, n'a pas su gérer le truc parce que ben, The Rock, c'est un acteur. Et puis là, ben, il sort un gros film qui va faire un carton en France avec Bruce Willis, G.I. Joe. Donc forcément, voilà. Ben, oui, d'ailleurs, si G.I. Joe était installé 2 millions d'entrées, je comprends rien. Avec toute la puce, ça va dépasser aisément. Moi, je pense que même dans les 3 millions minimum. Je le dis clairement. Non, mais parce que bon, déjà, il y a un gros build-up. Et le problème, c'est que justement, il y a un plus gros build-up pour son match que pour le titre de la WWE. Après, c'est donnant-donnant financièrement pour la WWE parce qu'il s'affiche avec la ceinture, évidemment. Mais c'est vrai que pour la rivalité, il n'y a rien. Il y a juste le genre de discours qui se font sans arrêt, qui ne rime pas grand-chose au début. Après, il s'absentait, voilà. John Cena, ben, comme il avait personne en face, il aussi était forcé de s'absenter. Il y a même eu des rumeurs à la con là, que l'un et l'autre étaient morts, tellement ils n'apparaissaient pas. Donc voilà, après bon, il y a eu un bon segment là, mais qui ne rimait pas à grand chose aussi. Donc c'est assez curieux ce match là. L'année dernière, il n'avait pas été bon et je ne le vois pas meilleur cette année. Je ne vois pas la poudre magique là qui du coup, est passée dessus. Surtout que The Rock, ben, il n'a pas vraiment eu le temps de travailler. Quoi. Donc, Quand on parlait d'un des deux, il y a encore une rumeur comme quoi John Cena était mort, mais c'est totalement faux, vous inquiétez pas. Je sais, mais Renault. Ouais, bah, je rejoins Bruce aussi, hein, totalement. Mais je pense que c'est un des pires build-up d'un main event de WrestleMania, quoi, facilement. Si c'est pas le pire. Si c'est pas le pire, voilà. Parce que franchement, il y a vraiment rien, quoi. C'est terrible, putain, c'est un truc de fou. Alors déjà que j'ai été déçu de leur combat, la prestation du match à WrestleMania 28. Là, sans build-up, le Rock, je suis assez déçu aussi. Ces matchs contre Punk, Cena, je suis pas du tout fan de ce mec. Et de voir ces deux-là s'affronter, mais je suis pas du tout chaud, quoi. Donc, j'attends pas ce match du tout. Je vais regarder, bien sûr, mais ouais, j'en attends rien, quoi. Je sais pas quoi te dire. Franchement, Gus, c'est vraiment. Mais c'est terrible de dire ça sur un main event de WrestleMania. Je pensais pas le dire un jour, mais ah, rien, quoi. Rien. J'attends rien. Donc, c'est déjà ce que ça donne, quoi. Donc... Ouais. Il aurait peut-être fallu rajouter une stipule. Ben, tu sais, à WrestleMania, McMahon, il est clair depuis des années, il n'aime pas trop mettre de stipu. Lui, il aime que ça soit vraiment le catch pur. Il met souvent une stipu sur un match à la limite. Allez, bon, là, ça sera Triple H Lesnar. L'année dernière, c'était le Hell in the Cell. Tous les ans, c'est ça, oui. Voilà, voilà. Sur un match à la limite. C'est pour ça que tout à l'heure aussi, Tifo parlait de mettre une stipulation pour le Shield, Orton, Sheamus, c'est chaud, et ça se fera pas. Parce qu'il ne va pas à chaque fois mettre des stipu à chaque fois à plusieurs matchs. Donc là, ça sera juste sur Triple H Lesnar. Donc bon. Une stipu peut-être qu'elle viendra sur le pay-per-view Extreme Rules le mois d'après. Hein. C'est d'ailleurs le but du pay-per-view. Donc. Mm. Ben, je voulais juste rajouter un petit truc. Hein. En fait, le problème dans cette rivalité, c'est que la WWE, ben, ça c'est trop sur le fait que voilà, elle met deux grands noms des années 2000, The Rock et John Cena, et puis voilà, ça va vendre et point barre. Hein. Ouais, juste sur les noms, quoi. Faire. Pas besoin de. Ben, c'est une fainéantise à partir du moment où ces deux noms ils vendent automatiquement. Il n'y a pas grand chose à faire de plus. Hein. C'est comme voilà, eux, ils se foulent pas, ils font vraiment ça comme ça. Mais nous, ça nous gonfle en tant que fans, on est vraiment déçus. Quoi. Évidemment, oui. Sébastien. Ouais, moi, c'est un peu comme vous. Hein. C'est censé être le main event, mais c'est le match que j'attends presque le moins de la carte. Donc, c'est très regrettable. En plus, c'est tellement prévisible que s'il avait récupéré sa victoire de l'an dernier, où il avait perdu, l'an dernier encore, il y avait l'effet de curiosité qui était là et qui permettait de s'intéresser, je vais y arriver un peu plus au match. Mais là, c'est tellement prévisible que mon intérêt est quasi inexistant. Et Tifo ? Ouais. Bah, c'est ce que j'ai dit. De toute façon, au début du podcast, il n'y a aucun build-up. On se tape que des vidéos promo pour promouvoir le main event de WrestleMania durant 2 €. C'est quand même très, très déplorable. Après, moi, ce qui m'inquiète aussi, ça va être la qualité du match. Parce que quand je vois comment le Rock était rouillé avec les matchs contre CM Punk, ça m'inquiète plutôt. Alors qu'au contraire, à côté, Cena, je sais que lui, il va être dans la forme de sa vie. Enfin, il l'est toujours. Donc, c'est vraiment The Rock qui m'inquiète. Et c'est vraiment pour le main event de WrestleMania. Sur l'action in-ring, en fait, ce qui m'inquiète, c'est que oui, Cena, il assure les choses. Mais Cena, c'est pas quelqu'un qui mène un combat. C'est ça le problème. Et comme The Rock va pas le mener, ça crée un peu, quoi. Bah, c'est exactement ça, c'est vraiment le in-ring qui m'inquiète, moi. Parce que, voilà, on a vu déjà l'année dernière ce que ça avait donné. On en est ressorti dégoûté. Enfin, moi, c'était mon cas l'année dernière, le Rock Cena, mais j'en suis sorti complètement dégoûté. Donc, bah, en fait, moi, j'ai envie de dire, ce qui sauve le build-up, c'est qu'on sait déjà. Enfin, on sait déjà ce qui s'est passé avec l'année dernière. En gros, ils repartent de l'année dernière. Enfin, je sais pas trop comment expliquer ça, en fait. Je suis pas déçu après la déception de l'année dernière. Ouais. Non, mais c'est ça, le build-up, en fait, c'est... Heureusement qu'ils ont fait ça l'année dernière, parce que sinon, le build-up, il serait totalement néant. S'il n'y avait pas eu de Cena Rock l'année dernière, en fait, il y aurait eu 3 semaines de construction de feud, en gros, c'est ça. En 2 mois, possible. Voilà, c'est ça. Donc... Heureusement qu'il y avait l'année dernière, voilà, c'est ce qui rattrape le build-up. Bon. Écoutez, messieurs, je propose qu'on passe au pronostic parce que j'ai rien d'autre à rajouter, malheureusement. Rock absent, Cena absent une semaine également, alors qu'il était présent hein, dans la salle, mais la WWE n'a pas voulu l'utiliser. Donc après, il se fait passer. Enfin, après, les gens croient qu'il est mort parce qu'il apparaît pas à Raw. Non, mais. Ça, c'est le connerie, non. Oui, non, mais c'est n'importe quoi. Il y en a qui devraient se mettre un peu. Non, mais c'est clair que pour un build-up, pour un main event de WrestleMania, c'est clairement mauvais, quoi. Non, c'est pas bon, quoi. Ça me fait chier, quoi, parce que c'est WrestleMania et j'ai pas envie de... La WWE a gâché son WrestleMania. Pour moi, le WrestleMania, je vous dirais qu'il va être mauvais, qu'il n'en peut plus. C'est obligé. Ah oui, mais moi je m'y attends déjà. Moi je suis préparé mentalement à avoir un WrestleMania de merde. Ça fait 2 mois que je vous l'ai dit, que je vous le dis, que WrestleMania ça va être de la merde. Je vous avais dit au mois de janvier que le retour WrestleMania va être pourri. Vous m'avez dit, mais non, vous verrez, il sera bien. Ça, j'ai eu raison. C'est ça, le truc, à chaque fois on s'attend quand même à avoir des surprises. Non, quand mais moi non, je n'ai pas de surprise à avoir. Il y avait déjà tout tracé. Oui, mais enfin, Gus, faut pas non plus triompher parce que tu as eu raison sur le truc. Attends, WrestleMania, désolé, peut être bon hein, si pour une fois. WrestleMania va être mauvais. Mais honnêtement, c'est ta sentence, mais c'est peut-être pas ta sentence générale. Et puis, il y a des WrestleMania. Ma sentence est irrévocable. Ça, donc. Non mais franchement, bon, on peut avoir des bonnes surprises en fait. Hein. Mais bon, reconnais-le aussi que si finalement il se montre intéressant par des matchs, tu éviteras ta voilà. Ces temps-ci qui est 2 et 1 quoi. Oui. Ah mais j'espère me tromper. Hein. Je vous le dis honnêtement, j'espère me tromper. Ça, oui. J'espère que. Non, mais c'est ça de toute façon. Comme j'ai dit sur Wrestles, faut partir du fait que le WrestleMania va pas être bon. Comme ça, on pourra avoir qu'une bonne surprise. Moi, je suis déjà prêt mentalement à assister à un show pourri, honnêtement. Non, mais moi aussi, je dis pas non plus que ça va être un choix exceptionnel, mais bon, je me dis pourquoi pas, on sait jamais. Ouais, pareil que les options. Vous voyez, on est vraiment pas emballé pour WrestleMania, quoi. C'est ça qui est fou. On est des fans. Non, non, non, non. Non, attends, dis pas qu'on est emballé. Dis pas qu'on est emballé. C'est vrai que je suis moins emballé que d'autres années, je dis honnêtement. Voilà. Ah oui, moi aussi, clairement, je suis clairement moins emballé que les autres années, mais après, je me dis que. L'année dernière, j'étais vraiment emballé, moi. Cette année, rien. Moi, je me dis que WrestleMania 27, ça a vraiment été le summum de la médiocrité à WrestleMania dans un WrestleMania récent. Je compare pas les WrestleMania des années 80, parce qu'on peut pas comparer le catch de ces WrestleMania-là, c'est pas même possible. Même 90, oh là là, il y en a oui, même 90. Moi, je prends à partir de WrestleMania 13, je vais dire. Je pense que le 13, il est pas bon du tout. Le 16, il était quelconque. Et le 27, là, assez récemment, il était terrible. Je me dis que sur celui-là, peut-être, pourquoi pas, le Del Rio Swagger, ça peut être un bon petit match. Le Triple H Lesnar, ça peut être un ovni. Taker Punk, s'il faut, attends, on sait jamais. Et si on est surpris par Cena, le Rock, j'y crois pas une seconde, mais bon, pourquoi pas. Le Shield Orton, Sheamus Show. Et si Fandango, il nous fait un truc de fou, que Jericho, il mène le match. Enfin, Fandango, j'y crois pas. Alors là, c'est vraiment du rêve. Mais... Oui, non. Je suis dans le même esprit que toi, ouais. Voilà. On sait jamais, franchement, on sait jamais. Ça peut, mais moi je pense pas que ça sera pire que WrestleMania 27. Je m'avance sur ça, je m'avance au moins sur ça. Pas pire que WrestleMania 27. Oui. Enfin, donc, ouais, pronostic, monsieur T. Brousty pour Rock Cena. The Rock, parce que je pense que Cena, lui, il gagnera le titre avec je sais pas comment, mais avec Sean Mouls. Voilà, parce que le Rock est prévu avec Sean Mouls. Renaud. Alors, je me dis que le Rock a récemment changé la ceinture et que peut-être qu'ils veulent aussi brouiller les pistes, mais je vais quand même dire John Cena qui prend sa revanche à WrestleMania, même si ça me semble un peu trop écrit quand même, certains trucs. Et je sais que la... Vas-y, Renaud. Ouais, excuse-moi. Ça me semble un peu trop écrit. Je sais que la WWE, elle aime aussi brouiller les pistes, mais je vais quand même dire John Cena. Sébastien. Ouais, c'est écrit depuis un an, donc ce sera la victoire de John Cena. C'est Tifo. J'espère de tout cœur une victoire de John Cena. Et moi, je vois plutôt une victoire du Rock, parce que tout simplement, le Rock est prévu à Extreme Rules. Et que malheureusement, je ne vois pas encore Cena remporter un match contre Rock à WrestleMania. À mon avis, le Rock perdra peut-être pas de match à WrestleMania durant son retour. Ouais, mais justement, le fait qu'il soit Extreme Rules, tu fais une victoire de Cena, le Rock a son match revanche, il perd et après c'est bon. Le Rock demandera pas de match revanche. Bien sûr que si. Le Rock aura pas de match revanche. Mais bien sûr que ça fait peut-être partie du contrat, mais le Rock aura pas son match revanche. Tu vois vraiment un mec arriver et faire non, je veux pas de match revanche, tu m'as battu, t'es le meilleur, vas-y, je me taille. Franchement, est-ce que le Rock en a besoin d'un match revanche? Mais ça fait partie du truc par rapport à la fin. Mais je suis d'accord avec vous, les gars. Mais le Rock, c'est l'exception qui confirmera la règle. Il n'y aura pas de match revanche. Ouais, c'est tombé. La WWE ne va pas se priver d'un tel match qui rapporte autant, je pense. Mais moi, tu verras. Et surtout que le Rock, il a quand même une gimmick de compétiteur. Le mec, il va pas abandonner un match retour comme ça. Tu verras. Enfin, moi, j'en suis sûr. C'est comme ça. Le Rock va gagner. Là, t'es seul au monde. Non, mais t'es seul au monde dans le fait où si Cena gagne, The Rock n'accepte pas. Non, non. Là. Non, mais si Cena gagne, bien sûr qu'il y aura. Mais je te parle pour Extreme Rules, moi. Bah, nous aussi. Bah oui. Mais tu verras. Parce que ce serait logique, évidemment, qu'il n'y ait pas de revanche, vu que. Bon, après tout, ils ont fait ça à Del Rio Show, je sais, mais si le champion est conservé, il n'y a pas de revanche, c'est logique. Pour la victoire de Senna, je me dis aussi que le Rock l'a bien grillé à WrestleMania 27, parce qu'on parle toujours de WrestleMania 28, mais au 27, c'est bien le Rock aussi qui coûte le match à John Cena. Ça fait un peu beaucoup sur deux WrestleMania, donc ouais. C'est clair. Ça me confirme. Ça me confirme dans ma position pour John Cena. Mmh. Ouais. Mais ouais. Pourquoi pas, mais moi je reste sur ma position sur le Rock en fait. Oui, moi aussi, The Rock, mais moins sentencieux après sur une possible revanche s'il y a un résultat inverse. Mais écoutez, messieurs, je propose qu'on fasse une petite pause de 2 petites minutes, et qu'on écoute une petite musique tranquille et qu'on revient pour parler du Hall of Fame classe 2013, messieurs. C'est parti, messieurs, pour le Hall of Fame 2013. Des grands noms quand même annoncés. On a du Bruno Sammartino, on a du Bob Backlund, du Trish Stratus, du Booker T, du Donald Trump et du, j'ai oublié le sixième, Mick Foley. Bah oui, c'est ça. Oui, t'as raison. Ouais, c'est ça. C'est juste les 5 chiffres du loto et le chiffre complémentaire, c'est parfait. Ouais. En soi gueule. Bon, ça t'aurais pu éviter. Parce que bon, disons que bon, ben là on va lancer l'affaire. C'est peut-être la promo du Hall of Fame, enfin, dans ma mémoire en tout cas, peut-être la plus homogène et la plus attendue depuis très longtemps, surtout en raison d'un nom, mais les autres aussi, c'est pas mauvais du tout. Évidemment, le nom attendu, c'est Bruno Sammartino, celui que évidemment les jeunes ne connaissent pas du tout. Même moi, je prétends pas avoir vu des matchs de lui en direct parce qu'à l'époque il avait déjà arrêté. Évidemment, mais voilà, c'est vraiment un aboutissement, parce que c'est quand même quelqu'un qui s'est brouillé pendant 15 ans avec Vince McMahon depuis son départ en 1987, et bah, c'est un exploit que Triple H l'ait ramené au Hall of Fame, donc voilà. Sachant que ça s'appelle la légende vivante, en plus, ça aurait été, bah, c'est bien que de son vivant, à 77 ans, il soit introduit par Arnold Schwarzenegger, au passage. Alors là, sur l'introduction, c'est un peu plus surprenant. Je savais pas qu'il était. Je savais pour Arnold, mais je savais pas qu'il. Schwarzenegger, mais c'est parce qu'en fait, c'est depuis le début, c'est l'histoire de deux immigrés qui ont réussi dans les années 70. Oui, d'accord, ok. Et puis en fait, Schwarzenegger, avant d'être l'acteur qu'on connaît des films d'action, Terminator et compagnie, bah, c'était un bodybuilder. Et ouais. Et lors du premier concours qu'il avait remporté à New York, Sammartino était juge. Ah d'accord, ok, bah, tu m'apprends quelque chose. Ils se connaissent depuis un moment, en fait. Mais donc, je sais pas. Donc c'est assez logique au final. Oui, voilà. Et puis Sammartino, il faut le dire, hein, il a quand même pas mal d'ennemis dans le monde du catch. Bon là, Bruce l'a dit par rapport à Vince McMahon, c'était quasi inespéré. Là, c'est vraiment, faut vraiment se rendre compte là, que c'est exceptionnel ce qui se passe. D'avoir Bruno Sammartino dans le Hall of Fame, c'est juste gigantesque. Parce que le mec, c'était lui qui était là avant Hulk Hogan. Sammartino, c'était. Il y a eu Hogan, mais il y a eu Sammartino avant lui. Et ça, il y en a plein qui l'ont oublié. Et là, on doit vraiment ça à Triple H, hein, qui a bossé sur le dossier. C'est vraiment Triple H qui... Tu parlais d'Hogan. Il faut rappeler quand même que c'est Sammartino qui l'a en partie grandement formé, qui l'a quand même... Complètement, ouais. Ouais. Ouais, c'est quand même l'homme qui remplit plus de 200 fois le Madison Square Garden. C'est littéralement le roi de cette salle. Et il sera intronisé au Madison Square Garden. La boucle, elle est bouclée. Et c'est vraiment. Et voilà, complètement. Ah bah oui, là, c'est l'aboutissement parfait. C'est l'aboutissement parfait. C'est génial. Et oui, et puis évidemment, c'est l'homme. C'est surprenant d'avoir attendu aussi longtemps pour introduire un catcheur comme ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a pris sa retraite. Je ne sais pas si vous le savez. Ouais, mais voilà. C'est la brouille, Sébastien. C'est la brouille. C'est la brouille, Sébastien. Quand tu disais, oui, c'est parce que depuis 87, il était embrouillé en fait. Il était embrouillé, mais embrouillé grave. Hein. C'est vraiment avec Vince McMahon, aucun contact. C'était fini. Même encore au début de, même encore l'année dernière, ça s'insultait. Il avait dit, vous ne me verrez jamais au Hall of Fame et tout. Là, on a vraiment, c'est vraiment exceptionnel ce qui se passe. D'avoir Bruno Sammartino, c'est un gros coup réalisé par Triple H et la WWE. Hein. Bah oui, donc c'est pour ça, c'est pas fini. C'est que pour ça. Qui dure depuis plus de 20 ans, hein, c'est vrai que. Bah oui, parce qu'en fait, voilà, il a encore un petit soin d'avoir tué le produit catch, voilà. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement carrément, ça. D'accord. Il n'a pas changé d'avis, c'est juste. Non, il n'a pas changé d'avis. Hein. C'est vraiment Triple H qui le fait venir, là. Mais voilà, c'est l'histoire quand même à l'époque de l'Italien qui a débarqué en 1950 après des événements tragiques, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale, et qui a réussi le rêve américain, quoi. C'était lui le premier, en fait, et beaucoup plus que Dusty Rhodes, évidemment. Dans le genre, le rêve américain, l'accomplissement. Ah oui, c'était Sammartino avant Dusty Rhodes, complètement. Et puis tous les records. Ils vendaient les billets sur son nom. Ouais. 9 ans de règne au premier coup, 3 ans au deuxième coup, voilà. C'est exceptionnel, ouais. Bah, c'est l'homme aux 1000 jours de règne, hein, Bruno Sammartino. Ouais. Plus de 1000 jours. Oh, beaucoup plus, oui. Ouais, bah, sachant qu'une année, elle fait 3 ans. Je vais chercher ça, tiens, le nombre exact. Ouais, disons que c'est 12 ans grosso modo, donc à partir de là, écoute, fait 12 fois 360 déjà. Ouais. Enfin bref, non mais après, bon, on peut passer à un autre nom. Bob Backlund. Voilà, Bob Backlund, mais lui aussi, c'est un catcheur qui est peut-être limite la génération après Sammartino, oui. Oui, mais ah oui. Oui, oui, oui, oui, oui. Mais non, mais dans le sens que Sammartino était quand même encore le roi quand il a débuté la WWF, voilà. Genre, oui. Il y avait un W en plus, oui. C'était la World Wide Wrestling Federation, c'était le père de Vince McMahon. Ouais, c'est ça. Et Backlund, c'est un gabarit qui paye pas de mine. Là, vous le voyez peut-être sa tête, si vous cherchez, enfin, vous le verrez sans doute aussi le samedi 6 avril. C'est quelqu'un qui paye pas de mine au premier abord, qui a un gabarit assez commun, mais... Qui a été marqué par qui s'est fait remarquer plutôt par les capacités techniques très élevées quand même. Il a eu plusieurs fois. Alors je me permets de te couper, j'ai le nom, j'ai le chiffre du nombre de jours que Bruno Sammartino est resté champion. Alors Bruno Sammartino au cumulé. Non, excusez-moi, non, pas au cumulé. C'est juste pour son premier règne. Il a eu un règne donc de 2804 jours. Il a remporté son premier titre le 17 mai 1963 et l'a perdu le 18 janvier 1971, ce qui fait donc 7 ans, 8 mois et un jour. Ah, et puis ça avait été un vrai choc à l'époque. Et puis il faut préciser aussi que dans toute l'histoire du catch, toute fédération dans le monde confondu, c'est le record absolu. Oui. Voilà, donc bon, mais pour revenir à Backlund, c'est aussi un homme à deux carrières, c'est absolument un homme parce qu'il était déjà au sommet, il était une première fois champion de la WWF à l'époque, ouais. Ouais. Où il faisait beaucoup de matchs aussi très longs, lui les Iron Man matchs, ça le connaissait. Et puis la stipule aussi, Steel Cage, maîtrisait très bien ça. Donc c'était même un homme un peu en avance sur son temps, j'ai l'impression. Enfin, par rapport au Steel Cage et tout ça. Et puis ce qui fait qu'il n'a pas été déphasé quand il est revenu, à 43 ans quand même, il est revenu, c'était en 94 je crois. 94, oui. Monsieur Backlund. Non. 93 ouais. Peut-être, 94. Oui, 93, comme ça, ouais, il semble. 93, ouais. Il est revenu et puis en suivant, il a fait quand même, à l'époque c'était la plus longue présence dans un Royal Rumble match, c'est 61 minutes avant que ensuite il ait encore battu dans les années 2000. Mais... Par Rey Mysterio. On voilà, c'est plus long. Enfin, par Chris Benoit, puis par Chris Benoit avant, puis Mysterio, oui. Mais voilà, et puis il a été champion quand même face à un Bret Hart qui était au sommet à l'époque, donc ce qui illustre quand même, c'est quand même pas non plus no name, c'est quand même aussi un nom qu'il fallait introduire un jour, quoi. Voilà. Voilà, et qui restait très proche, lui, contrairement à Sammartino, il restait très très proche de la WWE, même ouais, si toujours, ouais. Il est allé à TNA, il a managé aussi Kurt Angle quand même au tout début des années 2000, quand ce dernier était quand même très au sommet de la WWE. Donc Et ouais, il était intervenu par exemple quand Slater se faisait démolir par les légendes. Donc, voilà. Comme DDP, voilà. Avec le place. Bien. Bob Backlund, moi je dis deux, trois mots parce que tu as vraiment résumé parfaitement, hein. Bob Backlund, mais c'est vrai que si on le voit comme ça pour la jeune génération qui regarde des photos de Bob Backlund, tu peux clairement dire, putain, mais c'est qui ce guignol? C'est vrai. En photo en tout cas, parce qu'il a vraiment un sourire un peu. Bon voilà. Et puis il a un look très à l'ancienne, quoi. Je veux dire, le slip, les petites chaussures de lutte, c'est vraiment pas. Lui, il joue pas sur le show, c'est pas Shawn Michaels avec les feux d'artifice, tout ça. C'est vraiment pas ça. Bob Backlund, c'était pas ça. Il faisait son entrée, il avait une musique, il s'en foutait de la musique. Il rentre dans le ring, mais alors, une fois que la cloche sonne, techniquement parlant, c'était vraiment un des meilleurs sur le ring. Et ça fait. En termes de chain wrestling aussi, tout ce qui est catch au sol et tout, le mec il te lâchait plus. Hein. Une fois qu'il était au sol avec toi, c'était terminé pour toi. Donc c'est vraiment. C'est logique d'avoir Bob Backlund intronisé au Hall of Fame. Ouais. On va passer au prochain intronisé, c'est Booker T. Bah alors Bon, là. là, il y a un peu plus de monde qui pourra en parler, je Ouais. pense. Ouais, Five voilà, c'est ça. time, five time, Ouais, five mais time WCW World Heavyweight Ouais, Champion. mais c'est celui que je discuterai un peu plus parce que c'est comme Edge, ça arrive beaucoup trop vite. Le gars est encore à Ouais. WWE, il est General Manager au SmackDown. Il va sans doute avoir un heel turn en plus après WrestleMania. Bon, ça, voilà pour le détail. Ça arrive un peu trop vite, c'est ça qui est dommage parce que sinon c'est hyper mérité évidemment pour la carrière. Hein, j'ai peut-être laissé parler Renaud du coup. Ouais, ben, la carrière, elle a été énorme. Je suis d'accord avec toi aussi sur le moment. C'est vrai que ça aurait été encore plus big de le voir arriver quelques années plus tard, c'est sûr. Mais la carrière, ben oui, il a été 5 fois champion du monde à la WCW. Il a été aussi 6 fois champion de la télévision quand même. Il a été 10 fois champion par équipe, Booker T, avec son frère Stevie Ray. Il faut savoir vraiment que ce mec a eu deux carrières, quoi. Il a d'abord eu une carrière par équipe qui a été énorme dans les Harlem Heat à la WCW. Il avait commencé dans une autre fédération avant, hein, déjà dans les Harlem Heat, mais après il a vraiment explosé à la WCW. Et ensuite, quand il a quitté Stevie Ray, il a fait une carrière solo. Et là, il a explosé aussi en solo, donc 6 fois champion TV, je l'ai dit. Il a été une fois champion aussi de US à la WCW. Et quand il est arrivé à la WWE, ben, il a eu le titre de champion du monde poids lourd, mine de rien, Booker T. Il a été aussi champion intercontinental et 3 fois champion US, je crois. Alors là, c'est de mémoire, hein, j'espère pas dire de bêtises, mais je crois que c'est celui qui a eu le plus de fois le titre US à la WWE. Alors, je vais te dire ça. Voilà. Auguste va vérifier, ben moi je rajoute qu'à TNA, ben c'est pour dire que dans toutes les fédérations, il a eu la réussite, il a été champion poids lourd, champion par équipe. À TNA, il a été champion. Et non, non, à la TNA, je crois qu'il a été champion légende, si je dis pas de bêtises. La Oui, légende aussi, voilà, oui, ben oui, Voilà, c'est il a été ça. champion par équipe avec Scott Steiner, une vieille C'est connaissance. ça, oui. Et puis poids Ouais, lourd. ouais. Alors, il a été ouais, légende, ouais. Voilà, et juste, je Vas-y. précise parce que j'avais pas fini vite fait. Ouais, pour la preuve que son palmarès, il est fou, quoi. C'est vraiment un palmarès de dingue. Il a été aussi champion 2 fois, champion hardcore à la WWE. Il a été plusieurs fois champion par équipe et précisé qu'il a gagné le King of the Ring 2006, bien sûr. Non, mais c'est une carrière de dingue. Je crois que c'est vraiment le plus grand catcheur afro-américain de l'histoire du catch américain. Vraiment. C'est ça. Ouais, effectivement, le record du titre pour le United States Championship, 3 fois. Et au passage, le championnat TNA Legends, c'est Booker T qui l'a créé aussi. Donc, on peut Il ajouter, existe voilà. toujours, Sébastien, le championnat? C'est Non. aujourd'hui Ah le non. titre de la télévision. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Et Donc puis, c'est Gus, tu Devon le disais champion que. en ce moment. Juste pour la Ouais, petite c'est ça, parenthèse. mais juste, tu disais juste que c'était le record de champion US 3 fois. Il n'y a pas Ouais. fait, personne qui a fait plus que trois Pas fois. plus que 3 fois. Donc voilà, c'est Ça me bien ce que je paraît très pensais. À la faible. WWE, hein, bien sûr. Ouais. Ah, d'accord. Mais disons que c'est un Voilà. titre qui a des règnes assez longs et puis ça tourne beaucoup. Alors, Exactement. Bon, ouais. voilà, en gros, sa carrière, elle est légendaire, elle est énormissime, les accomplissements de Booker T dans un ring, puis ses qualités de match aussi. Je pense à ses combats contre Chris Benoit Alors, qu'il avait fait. il a le record égalé avec Chris Benoit et John Cena, hein, pour le titre US. Voilà, d'accord, il n'est pas tout seul donc. Bon. Mais voilà, les qualités de match de Booker T, ses combats à la WCW contre Chris Benoit, il avait fait au meilleur des 7 manches, c'était des combats géniaux. Il les avait refait après à la WWF. Ça avait bien marché. Il a des bons petits combats, Booker T. Il est quand même premier participant de l'Elimination Chamber aussi en 2002, même s'il ne gagne pas. Il a quelques petits trucs comme ça, par-ci, par-là. C'est vraiment un mec sur qui on pouvait compter. Bon, c'est une carrière énorme, c'est totalement mérité. Alors en plus, ça doit faire plaisir aussi à Gus, parce que toi, tu le disais déjà avant qu'il serait introduit. Donc, Ouais, non. en effet, si, si. Après le nom, bah écoute, moi j'ai mis une pièce à Je... crayon fou, je vais encore faire bander Renault. DDP, là. Pourquoi je cite autant DDP? C'est parce qu'il sera au WrestleMania Access. C'est pour ça. D'accord, nous n'y serons pas. Ah, mais il y aura Lita, par exemple, aussi. Fait, bah, voilà, c'est pas mal. Allez, messieurs, je propose qu'on passe la prochaine. On va parler de Madame Trish Stratus, Mademoiselle, je sais pas, mais une grande championne, elle aussi, Trish Stratus, monsieur. Ah oui, bah, là oui, aussi, c'est... Vas-y, vas-y, vas-y. Bah, c'est la catcheuse des années 2000, quoi. C'est vraiment le plus grand palmarès, on va dire, féminin à WWE. Je crois qu'elle a 7 titres féminins, parce qu'à l'époque, c'était 10. Alors, c'est ça. 7 fois championne women's, c'est le record. Elle a été une fois hardcore champion. Oui, oui. Elle a été Babe of the Year, Diva de la décennie et Hall of Fame. Oui, oui, voilà. Hall of Fame, oui. Oui, non, mais... Non, ouais, mais après, c'est logique. En plus, ben là, voilà, le timing est parfait parce que elle avait quitté la WWE, on va dire, comme catcheuse à plein temps en 2006, Unforgiven, suite à une victoire chez elle à Toronto contre Lita. Mickie James. Non, Alita, plus une connerie, c'était Mickie James, oui. Ben justement, ce sont deux grandes rivalités qui avaient beaucoup marqué à l'époque contre Lita et Mickie James. Mais il me semble que c'est la dernière diva, enfin la dernière diva, la dernière femme à avoir saigné à la WWE. Bon, bah écoute. Dans un match. C'est pas, honnêtement, j'avoue, j'ai jamais fait trop gaffe aux femmes qui saignent, moi. Mais ouais, bon, elle était à une époque où les femmes se mettaient beaucoup à poil et elle, c'était une des seules qui était assez active, on va dire. Qui, d'une, se mettait à poil et de deux, était talentueuse. Mais le truc, c'est qu'au début, on n'imaginait pas, parce que Trish, quand elle arrive à la fédération, franchement, hein, je pense que tous les fans de l'époque, ils n'auraient jamais pensé qu'elle ferait carrière comme ça, parce qu'elle accompagnait TNA, oh, c'était oui. Test et Albert. Oh. Pendant un peu plus d'un an, ouais, même elle était la chienne de Vince McMahon. Après, oui, voilà, c'est le mot. Elle a été la chienne de Vince McMahon, donc c'était vraiment pas imaginable que cette fille elle rebondisse comme ça dans le ring. Et puis finalement, ouais, elle a vraiment une grosse carrière derrière ça. C'était pas, au début, c'était vraiment pour sa plastique qu'elle était là, clairement. Et oui. Mais dès qu'elle a commencé à être c'est à l'époque, il y avait les Stacy Keibler, Tori Wilson et tout ça, ouais, c'était vraiment à l'époque. Mais vraiment, dès qu'elle est devenue catcheuse, elle a vraiment accumulé très très vite les titres. Donc, ouais, complètement. Ouais. C'est réservé à ce et adopté aussi. Par le public aussi. Hein. Ah parce oui, que même Trish maintenant, public, ça. Après, oui, voilà. Ça apparaît encore parfois par petites touches comme ça. Hein, quand même. Elle était récemment revenue pour Tofenov, l'émission. Ouais. En tant que... Elle était entraîneuse, il me semble. Voilà, c'est ça. Avec Yae Booker T d'ailleurs aussi dans l'eau. Donc bon, ils se retrouvent encore au Hall of Fame ensemble. Et Bill DeMott. Bill DeMott, et ouais. Steve Austin. Steve Austin, entraîneur en chef. Oui. Ouais. Messieurs, je propose qu'on passe vite fait à Donald Trump. Et on finira par Mick Foley. Ouais, d'accord, c'est sûr, c'est celui qui a le moins de parcours, évidemment, parce que c'est pas le lutteur du lot. C'est, et en général, chaque année, il y a une célébrité, mais cette année, jamais eu autant une célébrité qui méritait, je pense, le Hall of Fame. Je te rejoins totalement. Ouais. Disons qu'il est quand même celui qui a fait la bataille des millionnaires contre Vince McMahon à quel WrestleMania, je me souviens. Le 23 aussi. Le 23, voilà. Je confonds toujours à le 24, donc je préférais demander. Ouais. Et qui avait provoqué un record à l'époque de recettes. Donc, je ne sais même pas si c'est pas encore le record d'ailleurs. Mais évidemment, c'est un grand mania milliardaire à travers le monde par l'immobilier et puis le business en général, les affaires où il écrit pour nombre de livres et tout ça. Mais il a vraiment une longue histoire avec la WWE parce qu'il a permis quand même à WrestleMania de continuer à demeurer alors que ça aurait pu très très vite s'arrêter WrestleMania. Oui, tout à fait, parce qu'il a accueilli WrestleMania 4 et 5 au Trump Plaza. Oui, à Atlantic City. Ouais. Il a toujours été impliqué de près avec Vince McMahon, ils ont toujours entretenu des bons rapports. Donc, C'est pour ça qu'en 2000, Bon, ça a fini en gros par l'histoire où il avait fait une histoire de vrai faux rachat, mais bon, c'était presque réel parce qu'il a beaucoup apporté d'argent aussi. Hein. Oui, il a beaucoup apporté d'argent, mais il y a des choses quand même qui sont passées en sous-marin qu'on ne doit même pas être au courant nous-mêmes. Donc bon, je pense, hein, mais bon, enfin voilà, Donald Trump, c'est totalement logique. Hein. Quand on voit Drew Carey qui a été intronisé ou Pete Rose dans la catégorie célébrité, bon voilà, Donald Trump, c'est logique. C'est logique et c'est bien. C'est bien que la WWE l'ait fait. En effet. Écoutez, messieurs, je propose qu'on passe à Mick Foley et on pourra se quitter. Oui, Mick Foley, écoute. Mick Foley, c'est mérité, la hardcore légende. Là, je pourrais parler parce que je suis une fan du mec. Et en plus, attends, je me demande aussi, le timing tombe bien parce que cette année, en plus, il sort un livre. Non, il avait déjà sorti un livre, mais je me demande s'il n'en ressort pas un autre et surtout, il sort un DVD. Donc, Il sort un DVD, c'est sûr. Bon, il sort un DVD, ouais. Il sort beaucoup de livres, hein, de toute façon, Mick Foley, lui. Ça... Mais après, oui, il n'y a rien à dire. Introduit par Terry Funk. Là aussi, il n'y a rien à dire. Clairement. Non. Si Terry Funk n'aurait pas introduit Mick Foley, j'aurais pété un plomb. Bah, surtout que c'est le mentor et l'idole, donc forcément, bah, niveau corps, voilà. Ouais, puis ils ont fait des matchs légendaires ensemble, hein, des matchs... Le match à One Night Stand 2006, mon Dieu. Oui, ça c'est le match par équipe assez récemment, oui. Enfin assez récemment, oui, dans les années récentes. Mais même à l'époque, hein, ils sont affrontés en 1 contre 1. Les matchs, à l'époque, ils avaient enlevé les cordes et les cordes étaient remplacées par des barbelés. C'est la folie. Putain. Ah ouais, c'était la folie. Donc Mick Foley, c'est clairement logique. Puis ça a été un personnage marquant de l'Attitude Era, Mick Foley, Mankind. Oui, voilà, et justement, c'est ça. Il a réussi à combiner plusieurs personnages. Il a été champion du monde aussi. Hein. Ouais. Alors, palmarès de Mick Foley. Ça marchait bien avec The Rock d'ailleurs. Hein. La Rock and Sock Connection, ouais. Ouais. Alors, c'est 3 fois champion de la WWF. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mick Foley, il a fait sa légende, en fait, en perdant tous les plus grands matchs de sa carrière. Ouais, mais voilà, c'est l'exemple du fameux spot là qui marque encore de nos jours toutes les générations, là, où il tombe de la cage, évidemment, ouais, contre l'Undertaker. Et puis, bah, le fameux match à WrestleMania contre Edge, qui est d'une violence absolument phénoménale. WrestleMania 22, oui. Ouais, ça, ouais. 98, le Rumble où il rentre 3 fois, ouais. Bah oui, sur ces 3 identités, justement, c'est ça qui est assez remarquable, oui. Son match contre Randy Orton, on peut en parler aussi, qui était à Backlash, Backlash 2004. Et c'est là qu'Orton explose derrière, c'est là que la carrière d'Orton allait lancer. C'est aussi Mick Foley qui a lancé la carrière d'Orton, on peut le dire clairement, hein. Même Orton le dit, donc bon, il n'y a pas de souci sur ça. C'est vraiment logique que ce gars-là soit intronisé, et tous les bums qu'il a pris dans la tête, tous les chutes, toutes... Il lui manque une oreille, hein, Mick Foley. Il lui manque une oreille, il a perdu son oreille en Allemagne, Mick Foley, il s'était coincé la tête entre les cordes, et il a tiré pour se détacher des cordes, l'oreille est partie aussi. Ils n'ont pas eu le temps de lui remettre derrière. L'arbitre a pris l'oreille, il l'a foutu dans sa poche. Oh, putain. Ouais. C'est quoi, c'est... Si vous mangez... Ouais, donc son c'est Mike Tyson aussi qui avait arraché une oreille. Ouais, il avait mordu le gars, ouais. Oui, il avait mordu. Enfin, ouais, il avait. Ouais. Hannibal Lecter, quoi. Ouais. Palmarès. Palmarès, donc je te dis, donc 3 fois WWF champion. Le premier hardcore champion de l'histoire. Il a gagné une seule fois ce titre-là. Il était 8 fois champion par équipe. Une fois avec Stone Cold, une fois avec donc Terry Funk qui se faisait appeler Shane Show Charlie à l'époque. Ouais. Deux fois avec Kane, une fois avec Al Snow et 3 fois avec Le Rock. Voilà, et puis à TNA, il a été aussi champion poids lourd. Une fois, effectivement, ouais. Une fois Legend Champions. Il a été également une fois champion par équipe avec Kevin Sullivan à la WCW, 2 fois champion par équipe avec Mikey Whipwreck. C'est imprononçable, hein. Whipwreck. Ah, c'est le gars de la ECW, ça. Ouais, c'est ça. Deux fois champion par équipe de la ECW également. Après, c'est des petites fédérations, je vais pas les dire, hein, ouais, ça sert à rien. Et d'ailleurs, c'est le premier lutteur qui était champion du monde de la TNA à être introduit dans le Hall of Fame WWE. Booker T aussi, madame. Non, il a pas été champion du monde. Je t'ai piégé tout à l'heure sur ça. Mais ah bon. Oui. Ah bah, oui, c'est une bonne anecdote, ça. En effet. Ric Flair, il a jamais été. Mais non, mais. Il a pas Flair été champion. Jamais été champion. Ric Flair était déjà cramé quand il est arrivé à la TNA. Ric Flair en ce moment, bah, qui se remet, bah, il y a un caillou de sang à la jambe. Et voilà. Et ça date en plus, parce que c'est un problème qu'il avait déjà eu il y a un mois quand il était venu. Ouais, mais c'est une phlébite qui date. Au Japon, bah, c'était pareil. Il souffre d'une phlébite. C'est les cailloux de sang, hein, généralement, c'est appelé une phlébite et c'est assez dangereux, hein, ça c'est clair. Si le caillou de sang remonte jusqu'au cœur, c'est fini. Ah ouais. Mais je rebondis rapidement là, comme on a énuméré un peu tous les Hall of Famers. Ben Gus, Mick Foley, t'as écrit un article qui sera publié vendredi prochain. Ouais, juste 2 jours avant WrestleMania sur le site VoxCatch. Et moi de mon côté, j'ai fait les articles que vous pouvez déjà consulter. J'ai mis les liens aussi sur le Facebook de WrestleMania Radio sur Bob Backlund, Bruno Sammartino et Trish Stratus. Il y a aussi évidemment Donald Trump qui a été traité par Darren Le. Par un proprio de VoxCatch. Voilà, qui fera aussi le poulier aussi ce week-end. Donc, voilà. Ouais. Non, mais c'est quand même une classe de ouf, hein, cette année. Pour ça que ça méritait qu'on passe un petit peu de temps dessus, parce que on pouvait pas faire 5 minutes pour une classe comme celle-là. Quoi. Non, c'était pas possible. C'était même un manque de respect, donc non. Ouais. Écoutez, on a dû dépasser les 2 heures, on va se quitter maintenant, hein, parce que on est désolé d'avoir duré si longtemps, mais on avait beaucoup de choses à dire. Et on va remercier nos partenaires, donc je pense À la Well, à la Wrestling Evolution League, à Vox Catch, à Instant Catch, T-Catch Ultra cette fois-ci, parce que on est diffusé également sur Catch Ultra depuis cette semaine, donc on les remercie d'avoir accepté qu'on puisse diffuser nos podcasts dessus. FN Lutte, Twitter, Facebook. Révolte, la radio de Kevin. Révolte, la radio de Kevin. J'oublie à chaque fois son nom. Et allez voir la page de Besteries avec ses anciennes vidéos. En attendant, les gars, donnez vos Twitter. Malenko06 pour moi. Malenko06 pour Renaud. Pour Sébastien, il s'agit de. Et qu'à la 867. Moussi, c'est Finiland. Verpas, c'est Verpas d'Euro. C'est tout simple. Alors voilà, pour Besteries. Notre copain Besteries qui a besoin de beaucoup de j'aime. Sa page Facebook, c'est Bestering. Excusez-moi. Besteries. Wrestling French Video. Voilà, particularité d'avoir des vidéos qu'en français, des vidéos d'époque, des vidéos un peu plus récentes et tout. C'est toujours du français. C'est vraiment une bonne idée. C'est en association avec Verpa qui fait ça, je crois. Oui, en quelque sorte. Oui. En quelque sorte, il cède quoi. Donc allez-y, c'est du bon tout ça. Oui. Ah et sur Instant 4, je rappelle, je vais aussi faire un petit peu de promo. Là, la semaine justement là, qui précède WrestleMania, chaque jour il y aura un match légendaire de WrestleMania qui va sortir. Ah oui, ça commence lundi. C'est ça, ouais. Et voilà, un match par jour, 7 matchs, voilà. Ouais, ça va du WrestleMania, bah, limite le 1, j'exagère un peu. Mais, et Catch Azalium, effectivement. Que du bon. En partenaire, on remercie aussi Catch Azalium. Écoutez, messieurs, on va pouvoir se quitter. Je rajouterai juste le compte Twitter de Tifo, L-8 Tifo. Ah, effectivement. Et le compte Twitter de Facebook, notre compte, c'est Wrestles Radio officiel sur Facebook et Wrestles Radio sur Twitter. C'est très facile, vous verrez. On poste assez souvent des choses ces temps-ci, donc allez-y, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à commenter les podcasts. Hein, c'est grâce à vous qu'on est là et c'est encore grâce à vous qu'on pourra s'améliorer. Même si ça fait 2 ans et demi qu'on est là, on a encore besoin d'améliorer, on sait très bien qu'on n'est pas parfait. Voilà, voilà. Mais écoutez, messieurs, je propose qu'on se quitte avec le thème de WWE Main Event et on se retrouvera d'ici 15 jours avec la review de WrestleMania 29 avec la bande de bras cassés qui sera de retour. Allez, ciao, salut à tous. Salut. Ciao, ciao. Smoke in your eyes. I am the ghost. fine. The story is just beginning. I say goodbye to my weakness. So long to you.